veut faire un tour de manège? Qui veut faire un petit tour de manège? Ouais, bon. Ça va pas, non. Petite musique. Ça te donne envie de faire le tour de manège. Ouais, enfin, vite fait, hein. Bon. Bienvenue à tous. Bonjour. Bon réveil. Salut, Florent. Il est 5h sur la première. Salut, ouais. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. La grippe de retour à La Réunion, une deuxième vague épidémique après le pic de juillet. Le nombre de consultations est d'ailleurs en hausse chez les médecins sentinelles. Dans l'île, depuis le début de l'année, 17 personnes sont mortes des suites de la maladie. Bonne nouvelle pour ceux qui attendent un logement sur Saint-Denis. De nouveaux immeubles ont été inaugurés hier entre le Barachois et la gare routière. 99 logements sont disponibles du T2 au T5. Jean-Jacques Morel, candidat Les Républicains aux prochaines législatives. L'intéressé y pense. Ce serait dans la première circonscription. Jean-Jacques Morel l'a annoncé hier devant La Réunion. Et puis c'est parti pour le Rallye Jeune 2016. Les présélections ont démarré. Objectif, le championnat du monde des rallyes. On la croyait derrière nous, la grippe semble pourtant de retour à La Réunion. Depuis la rentrée, mi-août, le nombre de consultations ne cesse d'augmenter chez les médecins sentinelles, une tendance encore à confirmer. Mais l'ARS est vigilante, le virus est virulent cette année. 17 personnes sont mortes des suites de la maladie depuis le début de l'année. Erwan Poney. Une deuxième vague épidémique, l'ARS l'envisage très sérieusement. La grippe, qui avait fait son apparition en avril, revient après une diminution progressive en juillet. Le phénomène a déjà été observé par le passé et force est de constater que depuis la rentrée scolaire, les consultations pour syndrome grippal sont à nouveau en augmentation, au point d'atteindre, selon les remontées des médecins sentinelles, le stade épidémique. Un retour en force de la grippe marqué par un nombre élevé de cas particulièrement sévères. Ainsi, depuis le début de l'année, 63 personnes ont été hospitalisées en réanimation pour une forme grave de la maladie. Et le chiffre est particulièrement éloquent, 17 de ces personnes sont décédées des suites de complications, la plupart n'étaient pas vaccinées. L'ARS rappelle donc l'importance de la prévention, le vaccin pour les personnes les plus fragiles et notamment les personnes âgées, ou plus généralement les mesures d'hygiène quotidienne, somme toute assez simples, comme par exemple se laver les mains tout au long de la journée. Et attention aux coups de froid, les températures sont basses encore aujourd'hui. Météo France annonce 11 degrés ce matin au volcan. Le Piton de la Fournaise, justement, troisième jour d'éruption, troisième jour de spectacle. Les fontaines de lave sont toujours visibles au pas de Bellecombe, un site qui ne désemplit pas depuis dimanche. Les visiteurs sont nombreux et cela profite aux restaurateurs de Bourmura. Installés sur la route qui mène au Belvédère, ces professionnels de la restauration se frottent les mains. C'est le cas d'Adji, restaurateur dans le village de Bourmura. Étant donné que nous, on est sur la route du volcan, il y a l'éruption s'est passée le dimanche en général, même le dimanche, on a beaucoup de monde. Donc c'est encore en plus. En lundi, c'est comme en dimanche. Donc du coup, plus ça dure l'éruption, plus on travaille, plus ça fait venir encore plus d'extra, plus d'emplois. Donc pour nous, c'est tout bénef. Hier, on a servi jusqu'à minuit du non-stop et chose qui arrive uniquement quand il y a l'éruption. Malgré l'éruption, on a toujours nos habitués qui local, bien évidemment, parce que les touristes, c'est pas toute l'année. Donc on est content d'avoir les locaux, nos habitués qui sont là tout le temps. Adji, restaurateur à Bourmura, au micro Réunion Première de Pierre Komorasamy. C'est une première réponse à la crise du logement social à Saint-Denis. Deux nouveaux immeubles ont été inaugurés hier. Ils se situent entre le Barachois et la gare routière au niveau du centre-ville. 8 commerces et 99 logements du T2 au T5 composent ce groupe d'habitations de la SHLMR. Il aura fallu 19 millions d'euros et 3 ans de travaux pour le sortir de terre. Mais hier, 10 familles ont officiellement reçu les clés de leur nouvel appartement. Roukia fait partie des bénéficiaires. Mère de 2 enfants, cela fait 5 ans qu'elle attend son T4. Personnellement, j'étais en maison. Hein. J'étais en maison individuelle, j'avais plus d'espace, c'était arboré, il y avait la verdure, c'était calme. Maintenant, j'étais loin de tout. Pour mes enfants, ce n'était pas pratique parce qu'il fallait être accompagné parce qu'il n'y avait pas de bus pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Là, on est gagnant parce qu'on est à proximité de tout. Ici, je gagne en temps. D'accord, parce que votre travail était sur Saint-Denis et donc il me fallait me lever à 5h, partir à 6h45 pour échapper au bouchon. Et là, je vais me lever à 6h ou 7h et partir à pied. Donc ça n'a pas de prix. C'est vrai qu'au niveau du bruit, c'est pas pareil. pareil, mais il y a plus de facteurs positifs que négatifs. Un Roukia, locataire du nouvel espace océan îlot A2, au micro Réunion Première de Mélodie Nourri. Dans le reste de l'actualité, David Janac, l'incendiaire de Brapanon, a été condamné hier. 2 ans de prison ferme pour l'homme de 38 ans qui avait mis le feu à la maison de son voisin. C'était vendredi dernier. David Janac devra également indemniser ses victimes. Aux assises, Giovanni Clore a lui été condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol. Il avait abusé d'une jeune femme dans sa voiture en juillet 2014 au tampon. Il va faire appel. Aujourd'hui, c'est un procès en appel justement qui va intéresser les jurés. Celui de Marie-Judy Olivier, condamnée l'an dernier à 14 ans de réclusion pour le meurtre de son concubin à Saint-Benoît. Verdict demain. 5h05 sur la première, la suite du journal Florent Marot. Et on parle politique avec le ralliement de Didier Robert à Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État et candidat à la primaire chez les Républicains. Un revirement de situation puisque Didier Robert soutenait jusque-là François Fillon. Satisfaction de Jean-Jacques Morel, sarkozyste de la première heure, le vice-président Les Républicains du département, qui souhaite également être candidat aux législatives de juin prochain. Ce serait dans la première circonscription. Jean-Jacques Morel. J'y pense, c'est vrai. Ben, pourquoi le nier? Pas que quand je me rase le matin. En même temps, je crois que c'est prématuré. On est sur les primaires aujourd'hui. Donc le moment venu, il y a un processus de désignation, d'investiture au Parti Les Républicains. C'est vrai que cette question a été évoquée avec Nicolas Sarkozy quand il est venu à La Réunion. On a échangé, moi-même, le président Robert, sur la possibilité de ma candidature sur la première circonscription. C'est avec Nassima Nadar, ma présidente. Je suis son troisième vice-président. On s'entend très bien au département. Vous savez qu'elle est à l'UDI et que Jean-Paul Virapoulet est elle-même. Donc, ont eu l'occasion de m'indiquer que ma candidature éventuelle était vue d'un bon œil. Jean-Jacques Morel, invité de Devant la Réunion hier soir, il était interrogé par Gaël Le Dantec. Et on reparlera politique à 7h15 ce matin avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Jean-Alain Cadet, conseiller régional Europe Écologie Les Verts. Au menu, la primaire chez Les Verts, les candidatures écolo législatives à la Réunion, la carrière de Bois Blanc et la nouvelle route du littoral. On passe au sport, c'est parti pour le Rallye Jeunes 2016, une compétition réservée aux 18-25 ans. 24 candidats seront sélectionnés pour la finale régionale le 23 octobre prochain. Mais pour cela, il faudra être sélectionné en passant par le simulateur virtuel de Simrace à Saint-André ou directement sur le circuit de la Jamaïque en conditions réelles le 2 octobre. Au final, 4 candidats pourront participer à la finale nationale à Nîmes. Une belle opportunité pour les jeunes réunionnais, selon Jean-Pierre Olivier, le président de la Ligue du sport automobile à La Réunion. Bien entendu, la fédération a un plan d'action pour le meilleur ou les deux meilleurs. Sur 2017, c'est d'abord accessibilité au championnat de France des rallyes et en 2018, carrément un plan au championnat du monde des rallyes, ce qui n'est pas rien. Je rappelle que c'est la route qui a été tracée par Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Éric Camilli cette année. Il y a eu entre-temps Nicolas Bernardi. On a des exemples à citer, des gens qui étaient tristement inconnus, qui sont devenus champions du monde. Donc on peut rêver, rêvons, mais nous ne sommes pas loin de la réalité. Jean-Pierre Olivier, président de la Ligue du sport automobile de La Réunion, interrogé par Johan Adamadorassi. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on parle ce matin, Édouard Marguier, de cette agression à Lyon. Une adolescente de 15 ans s'est fait poignarder par un de ses camarades de classe à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. La lycéenne est à l'hôpital cette nuit dans un état grave, pronostic vital fortement engagé selon le ministère de l'Éducation. L'agression a eu lieu à la sortie des cours dans l'enceinte de l'établissement. Le jeune homme est en garde à vue, interrogé pour connaître ses motivations. Une mutinerie a duré 2 bonnes heures ce lundi soir dans la prison de Vivonne, près de Poitiers. Des détenus ont réussi à voler le trousseau de clés d'un surveillant du 2e étage, puis ont allumé un incendie. Les forces de l'ordre et les pompiers ont dû intervenir pour rétablir le calme. Le ministère de la Justice salue le sang-froid des fonctionnaires. Les auteurs de cette mutinerie ont été placés en garde à vue. Ces personnes voulaient commettre un attentat dans une gare à Paris ou en Île-de-France. Un homme et trois femmes sont placés en détention provisoire et mis en examen pour terrorisme. Il s'agit des membres présumés du fameux commando de femmes qui avait été arrêté après l'attentat déjoué à Paris il y a 10 jours. Et puis un autre mis en examen ce lundi, un jeune de 15 ans qui est lui aussi inculpé pour avoir projeté de faire un attentat dans la capitale. Il est lui aussi écroué. Toutes ces personnes pourraient être en lien avec Rachid Kassim, un djihadiste français en Syrie, inspirateur présumé des attaques de Magnanville et de Saint-Étienne-du-Rouvray. La guerre contre le groupe État islamique en Syrie, les États-Unis confirment avoir tué dans un bombardement aérien le numéro 2 du groupe, Abu Mohamed Al-Adnani. C'est une annonce d'un responsable militaire américain sous couvert de l'anonymat. Sa mort avait d'abord été revendiquée par Moscou. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Belfort pour le maintien de l'usine Alstom dans leur ville, site de production des trains dans l'est de la France, en Bourgogne-Franche-Comté. Les manifestants espèrent que le nouvel objectif de François Hollande, annoncé ce lundi, sera maintenu. Le président a demandé au gouvernement de se mobiliser pour que l'usine ne soit pas transférée vers l'Alsace, ce que le groupe Alstom souhaite faire d'ici 2018. Paris-Bucarest, c'est ce que fera François Hollande ce mardi. Le président est en voyage en Roumanie. Ce sera la première visite officielle d'un chef d'État français au bord de la mer Noire depuis 25 ans. Voyage au thème économique. Il va notamment visiter une usine d'hélicoptères Airbus. Option canapé ce soir, c'est la reprise de la Ligue des champions de football. Le PSG reçoit les Anglais d'Arsenal à 20h45 au Parc des Princes. Ce sera la 5e campagne européenne de suite pour le club de la capitale. Et pour une fois, les Parisiens ne sont pas vraiment en confiance. Ils sont 7e au classement de la Ligue 1. Dans le groupe du PSG, une surprise, Atem Ben Arfa n'est pas retenu dans la liste des 18 joueurs. L'attaquant n'est pas blessé, mais simplement pas au niveau, selon l'entraîneur parisien. 5h11 sur la première. La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. Ouh là là là là là là, beaucoup de nuages matinaux, Mickaël. Ouais, on en parlait hier, le front froid est passé sur la Réunion. Alors c'est vrai que ce matin, vous réveillerez sous un ciel assez couvert, avec pourquoi pas quelques averses. Entre Saint-Pierre en passant par Sainte-Roche jusqu'à Sainte-Suzanne, vous englobez aussi le cirque de Sillaos, la plaine des Palmistes, la plaine des Cafres et le volcan. Et vous y avez un temps donc plutôt maussade, alors que de l'autre côté, de Saint-Denis à Saint-Leu en passant par Saint-Gilles, cirque de Mafate y compris, mais c'est quand même bien mieux avec un ciel dégagé. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet après-midi, ça va donc s'améliorer pour tout le monde. Le volcan, avec son éruption, devrait être plus visible donc cet après-midi. Donc si vous voulez aller du côté du Pas de Bellecombe, il faut choisir plutôt la deuxième partie de journée, avec le soleil qui va revenir avec du vent en prime. 60-70 km/h attendu entre Sainte-Rose et Sainte-Marie. Et de l'autre côté, de Saint-Pierre à la Pointe-aux-Sels, on ressentira ce vent aussi en baie de la Possession, mais à un degré moindre. Puis à noter qu'il y a toujours cette petite houle de 2 mètres sur le sud et l'ouest en matinée, la Pointe des Aigrettes à Saint-Joseph. Elle va commencer à s'amortir. Dans l'après-midi, température en baisse avec ce front froid. À peine 25 degrés cet après-midi à Saint-Denis et 15 degrés tout de même au volcan. La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. Mais nous, on est là. Eh oui, on est de retour ce matin. À la Noula. 5h13, bienvenue la Réunion, bon réveil. On espère que vous avez passé une bonne nuit. Eh oui, que vous êtes en forme ce matin, même si le corps est encore un petit peu crasé. Et que cette journée va se passer sous la meilleure des, sous les meilleurs des auspices. Ah, enfin, on espère. Sous les meilleurs auspices, c'est mieux comme ça. Ouais. Un ou plusieurs auspices, du moment que les bons. C'est ça, du moment que les bons. On est d'accord. Tout le monde est en forme. C'est bon, la technique, ça se passe bien. Le réveil est assuré. Un, deux. Et visiblement, on fait des étirements. Il vit la vie. Aime la vie. À la technique. Oh. Merci à Baboum d'être là ce matin. Le phone mail, on l'attend comme toujours pour jouer avec vous. Jouer avec nous ce matin. Jouer quoi? Jouer pour gagner des cadeaux. Et oui, très très beaux cadeaux. Le concert Enfants Illois, Cassia, l'Indigo, ce sera pour vous au 99-2000. Vous repartirez aussi avec vos places de cinéma et votre participation pour le grand tirage au sort, puisque ça y est, officiellement est lancé le jeu, le grand défi. Un petit déjeuner, une photo sur la page Facebook de Grand Matin et vous participez. Tirage au sort avant 8h. Et puis comme d'habitude, on fait une petite visite dans l'île grâce à notre chère Prisca ou Priscus, puisqu'on lui a donné un nom hier, un nouveau petit nom. Ma chère Prisca qui doit être là. Bonjour. Coucou. Bonjour. Bonjour, comment il est grand matin? Bah, elle est là. T'as elle va tranquille. Eh, Michaël et Isabelle, regardez, oui. Je suis derrière vous, je suis juste en face. Je bouge là. Ah, coucou là. À Saint-Marie c'est ah, bah oui, coucou. C'est très rare. Fais de des la voir signaux comme de ça. Fumée, ouais, de lumière. Là, on est dans ce, ah bah, je te cette vois. Nouvelle ville. Voilà. Pas très très loin, effectivement. Ouais. Et on prendra la température sur le marché de beau séjour ce matin. Ah. Et puis, coucou à ceux qui sont à Sainte-Suzanne, parce que mm-hmm. c'est jour de marché aussi le mardi. Exactement. Ça veut dire qu'il va y avoir quelques ralentissements supplémentaires de ce côté, donc, de comme l'île. Comme souvent. À tout à l'heure, bisous, Prisca. 5h45 pour le marché avec notre cher Priscus. Et oui. Allez, à tout de suite. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. 19h-20h, Claudio dans la case. Petit message à coucou, vous avez écouté un bon petit morceau, un seul numéro. Mais passe un petit message, mon chéri, à qui on fait de gros bisous. On a des cadeaux à gagner. Deux gaillards, on le roule, c'est galé. Vous avez le cinéma ce week-end. Claudio, ma Claudio. Claudio dans la case, du lundi au vendredi, de 19h à 20h, sur Réunion Première. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Première. Vas-y, Mika. Nous sommes déjà le mardi 13 septembre. Oui, non, mais c'est fini. C'est vrai, oui, c'est terminé. Votre histoire est terminée avant d'avoir commencé. C'est ça, c'est un peu comme ça. Tu ne chanteras jamais Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Non, non, ça, je l'aurais jamais fait, de toute façon. On accueille Juliette. Bonjour, Juliette, c'est l'horoscope. Bonjour, Juliette. Rien de romantique, là. Hein. Oh bon. Bon mardi, nous sommes le 13 septembre. Aujourd'hui, nous fêtons les aimés. S'il y en a parmi vous, eh bien, vous êtes à l'honneur. Bonne fête de la part de toute notre équipe. On va retrouver l'horoscope, hein? Vous êtes d'accord? On y va. Voici les prévisions astrales de la première. Bélier, on se demande où vous allez puiser toute cette énergie. Taureau, cette journée ne sera faite que de tendresse. Gémeaux, suivre ses pulsions a parfois du bon. Essayez de vous faire un peu plus confiance. Cancer, côté tennis, vous êtes vraiment au top. Lion, vous aurez d'âpres mises au point à faire avant de repartir sur de nouvelles bases. Vierge, vous avez beaucoup de mal à concilier vos coups de cœur affectifs avec votre libido. Balance, votre élocution, vos idées n'ont d'égal que votre pouvoir de persuasion. Scorpion, vous allez puiser votre énergie nouvelle dans un lien à la nature ou à la spiritualité. Sagittaire, la situation est quelque peu critique mais pas perdue, à vous de décider ce que vous voulez vraiment. Capricorne, vous êtes très conciliant, peut-être un peu trop. Verseau, la bonne humeur est une seconde nature chez vous. Poisson enfin, côté couple, ceux qui ne s'entendaient plus les semaines passées ne s'entendront pas plus en cette fin de semaine. Bonne journée à tous et à toutes. Ah, bonne nouvelle, Juliette. Un vieux message subliminal. Merci, Juliette. Bon, si t'as d'autres meilleures nouvelles demain, tu nous les amènes. Hein. Peut-être demain. C'est quand même mieux. Mmh. Bon, file à maison, Lafitte, tiers écarté, quintet plus. C'était celui d'hier. Exactement. Et vous avez joué, forcément. Et bien, peut-être avez-vous gagné seulement si vous avez joué le 11, le 14, le 5, le 12. Et l'As, 11, 14, 5, 12. Et As, numéro plus gagnant, 10, 50. Cet après-midi, on va à Toulouse. Courir au à Toulouse, exactement, pour le prix de la Fédération Ouest. Départ prévu 15h47, 14 partants, 2950 mètres à parcourir, 5 100 000 euros dans la tirelire. Les pronostics de Pascal Maillot, le 3, l'As, le 2, le 10, le 12, le 13, le 8 et le 9. 3, As, 2, 10, 12, 13, 8, 9. Et en cas de non partant, Théolet. C'est le numéro 4. Concernant les pronostics du fouineur du GIR, partenaire Réunion Première, il vous conseille le 10, le 3, le 8, l'As, le 9, le 13, le 12 et le 2. 10, 3, 8, As, 9, 13, 12 et 2. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons! Responsable. Dans quelques secondes, on prend l'avion pour la Corée du Nord, ce si beau pays dont on parle. Que c'est alléchant, dis donc, comme voyage, grand matin. Essais nucléaires, censure et tout le reste. Et pourtant, il y a des touristes. Il y a des touristes qui y vont. Ah bon? Ouais. Mais enfin, bon, ils risquent pas d'y revenir. On vous expliquera pourquoi. Oh là là. Visiblement, là là là. Ça se passe pas très bien dans les hôtels nord-coréens. D'ici comme là, c'est bizarre. Oui. Quoique, on pouvait s'imaginer oui, que jamais. C'était bien. On sait jamais. Je sais pas. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Métis, en mode cœur sur première. À la inti mélodie pour écoute, Amélie va faire voyage à outil un petit poème. jamais été parfumé auprès de où les efforts m'ont accumulé. Et ça vous connaît, et ça vous connaît. Mais nous paie pas, on reste là, on reste là, on reste là de depuis où mon amour il s'en sera pas, il s'en sera pas. Mais nous paie pas, on reste là, on reste là, on reste là de depuis où mon amour il s'en sera pas. Il s'en sera pas. Parce qu'il est en moi qui est si ou mon café, mon épée, oui, Milor. Parmi les essais à ou fort, et des nids forts comme un trésor. Parce qu'il est en moi qui est si ou mon café, mon épée, oui, Milor. Parmi les essais à ou fort, des kilos, mes amours. Les passés compliqués, compliqués. Malgré tout, ça l'a se passé dans mon cœur. On l'est gravé et ça a jamais. Et ça a jamais. Même si Zordi ou V aller loin, il s'agrine à moi qui ou ça va sans moi. T'es ni en mon main, dis à moi, et dernier fois couillé ma main. Parce que m'il est en moi qui est si ou mon café, mon ami, oui, mais l'or. Par où m'il est à ou fort, et dernier fois qu'on m'a montré ça. Parce que m'il est en moi. On m'a dit que toutes belles choses ont une fin. Il chagrine en moi qui ou ça va sans moi. Mi peut pas en force à ou mi peut pas retenir ou. Mais ça ce qu'est jamais mi va oublier ou. On m'a dit que toutes belles choses ont une fin. Il chagrine en moi qui ou ça va sans moi. Mi peut pas en force à ou mi peut pas retenir ou. Mais ça ce qu'est jamais mi va oublier ou. Parce qu'il est en moi qui est si ou. Mon café, mon épée, oui, mais là. Par où mi laisse à ou fort. Un dernier fois qu'on a mon trésor. Parce qu'il est en moi qui est si ou. Mon café, mon épée, oui, mais là. Par où mi laisse à ou fort. Dès qu'il est mon amour. Faut pas, nous on reste là. C'est important, hein. Faut de pas en rester faut là. Faut pas, ben non, faut ben pas. Non. Métis en mode cœur sur Première. Bon réveil, 5h22 dans toute la Réunion. Et comme on vous l'a dit, on prend l'avion. Voilà, comme vous voulez pour le bruit d'avion, on va pas le refaire ici non. Parce qu'on a vraiment un peu de mal avec les bruitages. Oui. Voilà, donc on va pas encore une fois se ridiculiser. Ça y est, on a pris l'avion. On oublie le bruit du réacteur. Bon, face à un avion nord-coréen, quoi. Donc vous arrivez sur l'aéroport de Pyongyang. Et bah là, vous vous dites, on va passer un super séjour. Bah oui, dans le pays où on fait des essais nucléaires, où on est un petit peu en colère avec à peu près tout le monde, où il y a des exécutions comme ça, hein, parce que ça fait plaisir aux dictateurs nord-coréens. Bon, en même temps, ce sont des gens qui ont choisi cette destination, donc il doit bien y avoir des trucs sympas quand même. Hein. Et où en plus, on vous censure. Oui, enfin bon, peut-être que ces gens-là aiment bien ce genre de pays. Ouais. Enfin bref, ils se sont dit, peut-être que les nord-coréens, ils sont sympatoches. Mais bien sûr. Donc ils sont partis le voir, ce pays. Mmh. Le problème, c'est que bah, dans le pays, on n'a pas forcément les meilleures installations touristiques de la planète. Tu vois ce que je veux dire ? Alors c'est vrai que la République populaire démocratique de Corée est membre de l'Organisation mondiale du tourisme, quand même, hein, depuis 1987. Mais les infrastructures, elles, datent d'avant la guerre. Hein, c'est pas tout à fait depuis 1987, elles n'ont pas tout à fait évolué. Mmh. Ces infrastructures, inutile de vous dire qu'aucun hôtel n'est dans le guide du routard. D'accord. Et aucun hôtel n'a 5 étoiles sur TripAdvisor. Bon, alors, disons, ça alors, peut arriver. On a été regarder quand même les commentaires des voyageurs. Alors ? Ça montre une certaine détresse. Oui. Ah bon ? Une certaine détresse. Allez, vas-y, fais-nous. Des touristes. Ne nous fais pas rêver. Qui sont visiblement habitués aux certains. Confort. C'est un confort. Bon, alors je vous lis par exemple un commentaire d'un internaute. Vous réalisez quelle horreur est la Corée du Nord. Le mec, déjà, il est en vacances. Hein. Vous imaginez quand même. Sale, froid et hideux, les prisons occidentales sont plus accueillantes. Oh. Horrible. Et quel lavage de cerveau. Pas étonnant qu'autant de Nord-Coréens aient envie de se débarrasser des Kim et de tous leurs mensonges et de leur répression. Bon, ça plante le décor direct. Ah bah oui, bah moi j'ai envie de lui dire, t'avais qu'à pas y aller. Hein. C'est après, vrai. C'est pas sympa de moucater quand on est dedans maintenant. Après, on moucate bien les hôtels qui sont bien, alors on peut aussi non, mais là, encore plus pas moucater que les hôtels là. Qui sont mauvais. Il moucate le pays, là pour rien. Les... Bon, attardons-nous un petit peu plus sur l'hôtel. Douche froide en béton. Oui. Ça, ce sont plusieurs hôtels, hein. C'est pas le même hôtel, on est bien d'accord. Hein, parce que tous les hôtels sont pareils. Fais-nous rêver. Douche froide en béton, des lits durs comme de la pierre. Et des coupures de courant régulières sont tout ce que vous pourrez attendre de cet hôtel rétro-soviétique. Oh là là. Voilà, hôtel qui date, je vous l'ai dit, de la guerre froide. Hein. Si vous l'envisagez comme un entraînement militaire, vous allez adorer. Aucun des interrupteurs ne fonctionnait. Et qu'est-ce que cette énigmatique machine cassée entre les lits était ? Parce qu'il y avait une machine apparemment, mais il ne sait pas à quoi ça servait. Oui, mais c'est le côté, si tu veux, être dépaysé. Ah oui, mais vois. Là, pour le coup, ils sont vraiment dépaysés. Voir le vrai chose. Visage de la Corée du Nord, encore un autre internaute, endroit horrible, mais j'imagine qu'il se situe dans le haut de gamme en matière d'hospitalité nord-coréenne. Les lits sont des planches en bois avec un coussin dessus. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Bon, vous voulez vraiment aller en Corée du Nord ? Je vous donne un autre avis encore, pour un autre hôtel. Lamentable, restez chez vous. Cet hôtel est censé être le meilleur hôtel du pays. Le meilleur hôtel. Mais étant donné que tout le reste est atroce, ça ne signifie pas grand-chose. C'est un gratte-ciel, mais les chambres sont minuscules. Le décor équivaut à un hôtel qui n'aurait qu'une demi-étoile partout ailleurs. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. Au moins, il y a de l'eau chaude, contrairement à tous les autres hôtels de Corée. Donc le meilleur hôtel, vous avez de l'eau chaude quand même. Ouais. Donc, ils ont peut-être essayé de faire ce qu'ils avaient, les pauvres. Hein. Non mais c'est pas cool. Non, ça fait hôtel le plus pénible du monde, vous voyez, c'est dans le même genre. Tu vois ceux qui crient là, hein. Ils ont qu'à aller faire un tour au Mandarin Oriental à Marrakech. C'est pourquoi ? Oui, parce que c'est le meilleur hôtel du monde. Il y a eu un grand classement qui a été fait en 2015. Et cet hôtel a été élu le meilleur du monde. Mandarin Oriental Hôtel, pourquoi ? Parce qu'il est magnifique et les gens ont été appelés à voter. Et ils ont trouvé rien à redire. Rien. Hôtel sans faille. Il faut savoir que c'est un hôtel qui a ouvert donc, en octobre. Un terrain de 20 hectares, 54 villas privées. Mais quand même, il y a un coût quand même, hein, quand c'est trop top. 1 250 € pour y passer une nuit dans une chambre standard. D'accord ? Combien ? 1 250 €. Ah oui ? Là, ah tu oui, vois, là, ils vont pas se plaindre. Ils ont qu'à aller là-bas, ceux qui crient là. À ce prix-là, oui. Enfin, 1 250 €, Isa, tout le monde n'a pas le budget. Hein. Je pense qu'il y a des hôtels quand même beaucoup mieux que le Coréen. Ça, c'est le Coréens, top du top. Moins top. Cher. Bah, ils avaient qu'à aller ailleurs. Ça ne vient pas de Mounikri, point oui, point non, là. Bon, ça, c'est les hôtels super haut de gamme. Voilà. Sinon, t'as le pire. Ah, il y a le pire aussi. Ah, bah oui, Ben. Vous connaissez le classement, là, toujours pire en haut. Pire que la Corée du Nord. Il y a moyen, oui. Ah oui, ça, quand même, c'est le Golden Beach de Blackpool, en Grande-Bretagne, qui a remporté le triste championnat des hôtels les plus infects du monde. Alors, évidemment, monsieur de punaise, ça fait échappater, c'est dégoûtant. Tout qui donne pas envie, quoi. Ça donne pas envie. Sinon, il y en a d'autres. Aux Pays-Bas, par exemple, il y a un hôtel qui a décidé d'en jouer. Il en a fait son slogan « Venez chez nous, on est les pires ». Mais ça marche. Bah oui, parce que quand dis « Viens, on est les pires », les gens disent « Comment ça ?» Ça se trouve, eux, ils ont voulu faire tenter cette expérience en Corée du Nord. Et en fait, ils écrivent, quand tu vas sur la fiche de leur hôtel, « On est fiers de décevoir les voyageurs qui viennent chez nous depuis 40 ans ». C'est-à-dire que c'est pourquoi bien, pas. Mais pas trop. On est cool, mais pas trop. Pour jamais être dans le le problème, top. C'est que si parce que sinon tu pourras jamais dire on est le pire. S'ils ont du succès, ils vont pouvoir valoriser, arranger l'hôtel. Comment non, ils font pas. Non, ils veulent pas. Ah oui, reste comme ça. C'est leur slogan. On est les pires. Venez chez nous. Venez voir ça vous-même. Ouais, pourquoi pas. Hein. Et tu sais quoi, ça pourquoi marche. Pas. Ça marche. Bah, si ça fonctionne. Bah, allez, à la bonne heure. À la bonne heure. Bah, c'est ce qu'ils devraient faire en Corée du Nord. Venez visiter les pires hôtels de la planète. Oh. Ça pourrait peut-être marcher. Moi, tant que j'ai pas vu, je dis pas que c'est le pire. Écoutez, on va tous se cotiser pour vous acheter un billet d'avion vers Pyongyang, hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Enfin, tu nous enverras des petites photos. Voilà, hein, Isa. Si jamais c'est vraiment pas bien, j'écouterai sa petite chanson pour me faire du bien. Enfin, si vous revenez. Robbie Williams sur Première. Afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. It's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right. to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. Spoil it all by saying something stupid like I love you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red. Ça met pas de la douceur dans ta journée, ça. Ambiance glamour, glamour reprise de la chanson qu'on connaît, 1967, Frank Sinatra et sa fille, c'est Robbie Williams et Nicole Kidman. Something. Kidman. Stupid. Pas Kidman. Kidman, oui, mais c'est un petit maillage. Bon, ouais, ça va. Oh, c'est oh, normal. Oh, 5h30, quoi. 5h30. Bon, c'est bon, ça bravo, suffit. Cécile. Voilà, c'est mieux. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Pour un habitant de Brapanon, vendredi dernier, il avait incendié la maison de son voisin pour un regard de travers. Le volcan se donne toujours en spectacle et vu du ciel, c'est visiblement époustouflant. Les compagnies d'hélicoptères font le plein. La communauté musulmane en fête pour célébrer la fin du pèlerinage à la Mecque. Retour sur le grand rassemblement organisé hier pour l'Aïd el-Kébir. Et puis les assurances scolaires contre le harcèlement et le racket. Ça existe. Les compagnies s'adaptent. Explication à la fin de ce journal. Cette affaire qui pourrait faire sourire si elle n'avait pas eu des conséquences graves et qu'elle ne s'était pas retrouvée devant la justice. David Janac a été condamné hier matin à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et obligation d'indemniser les victimes. Vendredi dernier à Brapanon, l'homme avait mis le feu à la maison de son voisin. L'habitation a été complètement détruite. Rien de drôle, me direz-vous. J'ajouterai que le conflit entre les voisins remonte à l'école primaire. Une rancune tenace puisque les intéressés ont 38 ans aujourd'hui, Nadine Bachelot. Il est serviable, mais susceptible, dit sa mère. Tellement susceptible qu'il n'a pas supporté le mauvais regard lancé par son voisin. Il faut dire que le conflit entre les deux protagonistes n'est pas récent. Il date de la classe de CE1. Et à 38 ans, David Janac a toujours la rancune tenace. Il explique son geste par l'énervement. Il n'a jamais eu l'intention de mettre le feu. Son avocat, maître Alex Vardin, parle de misère sociale. C'est un problème avec la famille qui date depuis le CE1. Ce sont des gens qui se connaissent, qui ont eu à plusieurs reprises des rixes depuis plusieurs années. Et donc là, c'était la goutte d'eau. Il assume son geste, on ne fera pas appel. Ce 9 septembre, David Janac avait bu beaucoup d'alcool et pris aussi de l'artane. Aveuglé par la colère, il pénètre chez son voisin, il casse tout et met le feu à un drap. Un feu qui va se propager rapidement. La maison sera pratiquement réduite en cendres. Heureusement, sans faire de victimes. Maître Robert Ferdinand, avocat de la partie civile. Dans cette affaire, je représente les intérêts de la commune de Brapanon, qui m'a demandé de défendre ses intérêts parce que la maison lui appartient et la personne qui vivait dedans n'en était que locataire en accession à la propriété. Donc en tant que propriétaire de la maison, je me dois donc de demander des dommages et intérêts aux fauteurs de troubles. L'incendiaire est reparti en prison à l'issue de l'audience. Le tribunal a suivi le réquisitoire de la représentante du ministère public. Nadine Bachelot. Et dimanche dernier, en fin d'après-midi, un autre incendie criminel avait été signalé. Un homme a mis le feu à l'appartement de son ex-femme à Sainte-Marie. Il n'y a heureusement pas de victime et l'auteur a été interpellé. Aux assises, jugement en appel aujourd'hui et demain. En avril 2015, Marie-Olivier avait été condamnée à 14 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son concubin. Elle avait été donc reconnue coupable d'avoir poignardé à mort Rudy Blard le 11 avril 2013. Une peine trop lourde pour l'accusé qui avait fait appel de la décision. Nouveau procès dès aujourd'hui. Après le grand spectacle dimanche, l'éruption se poursuit au Piton de la Fournaise, même si ceux qui ont la chance de le voir chaque jour disent que c'est déjà moins impressionnant. Les pilotes d'hélicoptères, par exemple, sont très sollicités, le survol dans l'enclos est autorisé. Les rotations s'enchaînent avec les touristes notamment qui profitent de cet événement pour voir l'île depuis le ciel. Hubert Debeu a rencontré des touristes suisses heureux à la descente de l'hélico. C'est un rêve. Avec l'hélicoptère, en plus, on a pu bien passer proche. Ça a un certain coût, mais une expérience comme ça, je pense qu'on la vit qu'une fois dans sa vie et je pense que ça vaut vraiment la peine. On est venu pour 2 semaines voir des amis et on avait été voir le volcan il y a 2 jours. On devait faire une visite des tunnels de lave et le gars nous dit que le volcan est en éruption, on ne peut pas faire la visite des tunnels et on pensait qu'il rigolait, qu'il se fichait de nous. On ne s'attendait pas du tout à ça. Le volcan, pour vous, c'est le top ? Ah oui, c'était un des highlights du séjour, effectivement. Pour ceux qui préfèrent rester au sol, l'éruption est toujours visible depuis le pas de Bellecombe. Retour ce matin sur l'Aïd el-Kébir, c'est un rendez-vous important pour la communauté musulmane. Cette fête marque la fin du pèlerinage à la Mecque. Elle est aussi appelée fête du sacrifice. Hier matin à Saint-Denis, les célébrations ont commencé par une grande prière au Vélodrome. 1 millier de personnes y ont assisté. Olivier de la Richaudie, sur des entretiens réalisés par Jean-Régis Ramsamy. Le soleil ne s'est pas encore levé que les fidèles se prosternent déjà. Par centaines, ils écoutent les psalmodies, des versets du Coran, les prières ou encore le prêche de l'imam. Au travers de l'histoire d'Abraham, appelé par Dieu à sacrifier son fils, chaque fidèle est appelé à faire acte de foi. Le Seigneur lui a envoyé l'ange Gabriel avec un animal qu'il a égorgé à la place de l'enfant. Et cette bénédiction a été continuée jusqu'à maintenant. C'est une formation intérieure de foi. Un acte symbolique que reproduisent depuis les fidèles lorsque vient la fin du Hajj. Il y a le sacrifice en premier, après on fait un petit peu toutes les maisons, tout le monde ensemble. Et puis le repas familial. Et chez nous, la fête dure 3 jours en fait. 3 jours qui doivent être dédiés à la spiritualité, au don de soi et à l'aide aux plus pauvres. Parmi les messages passés par l'imam Omarji, il y avait aussi le rappel du respect d'une certaine éthique, notamment vis-à-vis des éleveurs bovins très sollicités en cette période. Comme le prophète Mahomet était appelé l'honnête, le Al-Amin, il se trouve que cet enseignement-là a été un peu délaissé de nos jours par les confrères musulmans et il arrive que justement il y ait des plaintes par rapport aux transactions. Donc j'ai rappelé que la transaction aussi doit être soumise aux lois de Dieu, c'est-à-dire que l'honnêteté est primordiale. L'imam qui a aussi invité les fidèles à ne pas désacraliser le sacrifice rituel en refusant toute exhibition de cet acte sur les réseaux sociaux. Olivier de la Richaudie. 5h36 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. La politique avec l'an prochain, une année riche en élections et notamment la présidentielle. Les candidats de la droite et du centre organisent une primaire pour désigner leurs candidats. On y reviendra dans notre édition de 6h30. Même chose à gauche. Au Front National, c'est Marine Le Pen qui devrait se lancer dans la bataille. Quelle est la stratégie du FN Outre-mer ? Eh bien, il semble que le parti frontiste s'intéresse de près aux électeurs ultramarins. À La Réunion, l'électorat ne lui a pas accordé de score important, quelles que soient les élections, Célia Cléry. Ça commence par une photo accrochée dans le bureau de Marine Le Pen, une photo prise à Saint-Pierre-et-Miquelon et à laquelle la présidente du Front National est très attachée, l'occasion d'évoquer les Outre-mer. C'est une photo que j'aime beaucoup et j'ai énormément d'affection pour notre Outre-mer, pour nos concitoyens qui... eux, pour le coup, font vraiment partie de la France des oubliés. Et Marine Le Pen d'enfoncer le clou un peu plus tard dans l'émission. D'abord en soulignant l'action de Jacques Chirac pour les ultramarins, à l'inverse, dit-elle, des 2 derniers présidents. Puis citation à l'appui en reprenant le Guadeloupéen Daniel Maximin. La France est éminemment riche de ses outre-mer. On dit toujours que ça coûte de l'argent. Vous savez, un auteur guadeloupéen, Maximin, disait « L'outre-mer, c'est la seule région pour laquelle on se demande combien ça coûte et est-ce que oui. ça rapporte. » Bon, je crois qu'il faut en faire, là encore, des territoires stratégiques. Dernière allusion, enfin, quand la présidente du Front National fait référence à sa politique pour la mer et la place que pourraient y occuper les outre-mer. Un long dégagement sur TF1 qui ne laisse guère de doute. Le Front National est bien décidé à faire des outre-mer une terre d'élection pour 2017. Célia Cléry, retour sur un reportage diffusé sur TF1 dimanche. Ce chiffre à présent, en France, environ 11% des enfants qui étudient dans le second degré seraient victimes d'humiliations verbales et physiques. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais ce qui change, c'est que les assurances s'y intéressent. Le racket, le harcèlement peuvent être indemnisés. Les précisions de Mélodie Nourry. Inclure les problèmes de violence scolaire dans les garanties d'un contrat, c'est un phénomène plutôt récent chez les assureurs. Depuis l'année dernière, ils ont compris qu'il fallait aussi s'intéresser aux atteintes morales causées par ces brutalités. Ainsi, la plupart d'entre eux ont rajouté des garanties soutien psychologique à leur contrat. Le leader dans le secteur est même allé plus loin. Après avoir inscrit dans son contrat de base à la rentrée 2015 une garantie de soutien psychologique en cas d'agression, de racket, de harcèlement ou de cyberharcèlement, ainsi qu'un service d'information questions juridiques sur l'irréputation. Ce même géant français de l'assurance scolaire a inclus dans ses garanties pour cette rentrée 2016 le vol du sac d'internat au sein de l'établissement et le remplacement des cartes d'abonnement, comme les cartes de cantine, de transport ou encore de club sportif, en cas d'agression de raquettes. Depuis quelques années, ce même organisme intervient également dans les écoles pour faire de la prévention sur les violences scolaires. Mélodie Nourry, vous l'avez entendu, les nouveautés des assurances scolaires qui évoluent avec les habitudes des élèves. Ils ont désormais des téléphones, des ordinateurs et ils doivent protéger, vous l'avez entendu, Mélodie en parlait, leur irréputation. C'est nouveau. Ok, oui, comme quoi, hein, on avance forcément dans ce monde avec des choses qui changent et qui bougent. Les photos gênantes sur Facebook, les choses que les jeunes font. Et Dieu sait que la jeunesse, des fois, là. Ça fait mal. Elle en est où ta irréputation, Isa, toi ? Ça va. Je n'ai pas de e-doute. Sur le site de Grand Matin, on défend notre irréputation. C'est important. Merci, Cécile. Retour de la foi, 6h. Contre les cernes, on ne peut pas grand-chose. ...5h40 sur la première. La Réunion sous les nuages. Oui, beaucoup de nuages ce matin. On l'a vu certainement donc sur les cartes hein, entre Saint-Pierre et la région de Sainte-Suzanne en passant par Mafate et la région de Sillaos et celle du volcan. Là, on a quand même pas mal de nuages installés avec des averses sur ce côté de l'île. De l'autre côté, de Saint-Denis à Saint-Leu, bah, c'est quand même beaucoup mieux. En passant par le port, ciel un peu plus dégagé et donc les premières heures du jour, ça va se passer à peu près comme ça, hein, avec le soleil qui va revenir dans le courant de la journée. Cet après-midi, tout le monde reviendra donc avec du soleil et du ciel bleu. Le vent va se mettre en place sur Saint-Pierre et la région de l'autre côté de Sainte-Suzanne. 60-70 km/h attendu. Toujours cette houle. Sur l'ouest et le sud, comptez 2 mètres et une houle qui va s'amortir dans le courant de la journée. Température en baisse, 15 degrés au volcan, 25 degrés à Saint-Gilles. Bah oui, avec le front froid qui est arrivé, forcément la fraîcheur est un peu plus importante derrière. Et avant 6h, on vous fait gagner vos places de concert. Exactement, 99-2000, notre DJ fou va pas tarder. Il a préparé pour vous des petits mix. Il faudra juste reconnaître les morceaux. D'ici là, c'est Mickaël, un carton en ce moment à la folie. N'y trouve pas les mots. Explique à quel point m'y ama ou il a mis pile le nom, ouais. Quand ou éloigne ou du moins, et que ou ça rejoigne à l'île, mi plaire, mi contrôle, puis moins, mi pire. Tout mon esprit m'y sent encore. Où lève si les miennes, et donc caresse tout au long de mon corps. Mais ça l'était trop beau pour continuer. Mais là, moi, elle est désolée. Mingan, puis garde le secret. Un choix doit être fait. Mais on veut pas assumer. Donc, moi, mi préfère abandonner. Car, baby, mi ama ou à la folie. Baby, ça ne me ressentra pour. Plongé dans le brouillard, il m'y sent un peu mal. De Dieu contre nous n'aura aucune histoire. Baby, m'y aime ou à la folie. Baby, cette nuit ressentra pour la vie. Ouais, et mon kéri fait mal. Mine à la tête plongée dans le brouillard, il m'y sent un peu mal. De Dieu contre nous n'aura aucune histoire. Mine à la tête plongée dans le brouillard. Et Dieu contre nous n'aura aucune histoire. Mine à la tête plongée dans le brouillard. Et Dieu contre nous n'aura aucune histoire. C'est que m'a compris que m'y pourra jamais conquérir ou tir. T'en as déjà un autre, il fait ou de bonheur. Puisque l'Iran Anna aussi heureuse et que Ouli si merveilleuse. M'y voudrais pas cause à ou plus de temps. M'y peut pas quand m'y aime à ou trop fort. Et toutes les promesses que nous l'avait fait, toutes bonnes caresses, toutes bonnes baisers, s'allaient sans cesse dans mon bonne pensée. Et lui va reste toujours gravé. Et même si reste l'unique grand amour de ma vie, mi de mon a ou de mettre un moins dans l'oubli. Quand on dit mi voit bien que où y a ma lit, moi les désolé d'avoir enfin les interdits. Baby, mi y a ma ou à la folie. Baby, ce mi ressent sera pour la vie. Ouais, et mon cœur fait mal, mi n'a la tête plongée dans le brouillard. Dieu contre nous n'aura aucune histoire. Mais baby, mi ama ou à la folie. Baby, cette nuit ressent sera pour la vie. Ouais, et mon qui rit fait mal, mine à la tête plongée dans le brouillard. Et mi sans âme mal, de Dieu contre nous n'aura aucune histoire. La tête plongée dans le brouillard. Il dit contre nous n'aura aucune histoire. Merci de nous avoir choisis en ce mardi 13 septembre. Mickaël, à la folie, excellent réveil. La Réunion. Oui. On sera de retour dans un instant avec le marché. On filera à Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, non, plus précisément voilà, aujourd'hui. Beau séjour. Avec Prisca. A tout de suite. Thierry, allons à la plage avec nous demain. Ah désolé, je ne peux pas, je dois aller à la CGSS pour aller récupérer mon attestation de carte vitale. Pas besoin de te déplacer. Crée ton compte Amélie et utilise leur service sur amélie.fr. Tu peux imprimer ton attestation de droit, contacter l'assurance maladie par mail, demander ta carte européenne et même télécharger l'appli Amélie. Facile, pratique, plus d'excuses, nous à ton AO. Pensez au compte Amélie, votre espace personnel qui vous rend bien des services. L'assurance maladie. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kalougong au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouve en concert Morgan Héritage. Kalash. Kiltir. Bitova au bass. Toute la programmation, les infos pratiques et les infos billetteries sont sur kalougong.re. La ville de Petite-Île présente la Journée européenne du patrimoine le samedi 17 septembre de 9h à 17h30. Venez découvrir le patrimoine de la commune dans une chasse au trésor grandeur nature, des ateliers et des concerts. Découvrez les breads comme vous ne les avez jamais vus dans une conférence débat et un concours culinaire. L'après-midi, faites votre marché à l'escale au pays du terroir. La Journée européenne du patrimoine à Petite-Île, c'est le 17 septembre 2016 de 9h à 17h30 au centre-ville et dans les quartiers. Première. On rejoint Prisca tout de suite du côté de Beau Séjour. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et là, dans ces œufs-ci, Prisca, il n'y assise pas, hein? Ah non, le ah. Quoi que si, notre Anna, c'est nous, Marie-Annick. Bonjour Marie-Annick. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. La belle est assise pas, cette œufs-ci. Mais à vos clients. Ah là là. Personne encore. Bonjour Marie-Annick. On vous attend. Ça va Marie-Annick? Ouais, ça va, mais il n'y a pas de clients, on attend. Ça arrive, ça arrive. La nouveauté aujourd'hui, c'est comme d'hab. Vous connaissez? Comme d'hab. Ouais, parce qu'à chaque fois que j'arrive avec Marie-Annick, j'ai alors Marie-Annick, bonjour, qu'est-ce que vous avez comme nouveauté? Elle me dit comme d'hab. Je sais, ça se mange le comme d'hab, ça c'est plus, il y a du jus. Il n'y a pas de jus. Il n'y a pas de jus. Bon alors, il y a quoi? Parce qu'en fait, Marie-Annick et son mari Jean-Luc, hein, parce que ça se passe en famille ici, ils vendent des fruits importés, parce que malheureusement, ça pousse pas la pêche. Enfin, ça pousse, mais bon, il n'y en a pas assez. Pour toute la Réunion. Mmh. Donc, qu'est-ce que vous avez comme fruits importés aujourd'hui, Marie-Annick? Quand en créole, si on veut, ou bien en espagnol. Comme d'hab. J'ai vu qu'il y avait des prunes. Des prunes jaunes, des prunes rouges, des pêches jaunes. Il y a des pêches plates. C'est quoi ces pêches plates, là? Vous avez déjà goûté à ça, ouais. Les amis? Son vrai nom, c'est la pêche paraguayo. Mm-hmm. Voilà, et elles sont excellentes. Ah bon, par rapport à la pêche ronde, elles sont meilleures. Ouais. Largement. Mm-hmm. C'est vrai. Comparable. C'est pas comparable. Est-ce que le prix est comparable? Oui. C'est le même prix. Ah bah bien. C'est chouette. Coûte combien la pêche 3,80 plate? Le kilo. 3,80 ouais. Mm-hmm. Et puis il y a aussi donc cette petite prune. Ça donne envie hein, de déguster. Bah oui, il faut venir manger. Hein. Ouais. Donc ça coûte, la prune jeune coûte le même prix 50. Que... Non, 3,50€, moins cher. Le goût change ou quoi, Mariani? Bah, par rapport à quoi? Bah, par rapport à la prune... Comme d'hab. Comme d'hab. Voilà, le monsieur là vient, dit comme d'hab. Le monsieur s'appelle Mickaël. Salut Marianique. Salut. Pour faire une tarte aux prunes, on prend laquelle? La prune rouge ou on prend la jaune? Pourquoi? Elle est plus juteuse. Ah, voilà. Moins sèche que la rouge. On va préparer une tarte à la prune aujourd'hui. Pas moi. Vous voulez pas? Cuisine pas moi. Non. Je cuisine pas moi. Non. Donc c'est mon mari qui cuisine. Ah ben, écoutez, on va poser la question à Jean-Luc. On va passer la petite oreillette. Il est plus là, Jean-Luc. Ah, ça y est, c'est vrai, effectivement. Jean-Luc est allé boire le café. Il a raison. Il faut associer. Il a raison parce qu'en plus ici, à Beau Séjour, ouais, c'est vrai qu'il y a pas grand-chose. Mais comment ça se fait que les bazardistes ont déserté ce marché? Parce qu'il y a pas assez de clients. Ah. Et les clients, quand ils viennent, ils disent qu'il n'y a pas assez de bazardiers. Voilà, c'est ça. Et qu'on prend un affaire. Bon, comment on fait? Allez, moi je vais prendre un café avec Jean-Luc. Et puis, on se retrouve tout à l'heure, les amis. Les merci, Prisca. 6h15, à tout à l'heure, Prisca. Allez. Merci, Mariani. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Prisca en direct du marché où il n'y a pas de bazardier. Bah voilà, c'est un problème. Et notez qu'aujourd'hui, mardi, on parlera du marché forain à 12h15 avec Philippe Dernier. Il sera question de marché forain, d'hygiène et de sécurité. Avant d'acheter des produits frais à un bazardier, vous devez être sûr qu'ils sont bien conservés. La propreté des étals, ça compte aussi. On en parlera tout à l'heure. Et bah voilà peut-être pourquoi il n'y a pas beaucoup de bazardiers ce matin. Il y a tellement de normes. On va jouer maintenant. Ça c'est sûr. Grand matin, le mixeur. Bon, la seule norme, c'est d'avoir un téléphone. Oui. Si vous en avez un et qu'il est en bon état, 0262 99 2000, c'est facile. Hein. Vous appelez maintenant et on va jouer avec DJ Fou qui son apparition dans les studios. Salut DJ Fou. Coucou. Ça va? Oui. Ouais. Pourquoi tu parles à sa place, toi, maintenant? Mais il cause pas. Oui, c'est vrai. Faut bien vrai. Me dire une affaire. Il y a un souci, ce Moulin. Un problème. Un problème. On essaye de lui faire parler depuis le début de la saison, c'est compliqué. Son affaire, c'est mixer la fin de Zaou. Enfin, mixer encore. Il fallait maille deux chansons avec ça, et il faut retrouver c'est qui, c'est tout. Pas si simple que ça, pour lui. Deux titres ou deux artistes à trouver maintenant. Comment on fait? On appelle le numéro, le 0262 99 2000. Et voici le mix du 13 septembre. Facile. Grande dame de la chanson internationale. Welcome to Miami. Et lui, il est acteur de cinéma, il a joué dans beaucoup de films et en même temps, il est chanteur. 0262 99 2000. Il a des enfants, Willow, Jaden, pour ne citer que. Oui. Bon, voilà, donc c'est très simple. Il habitait Bel Air, le prince de Bel Air. Ah, ouais. Ben voilà. Donc acteur et chanteur en même temps, c'est facile. On peut pas vous aider plus. Et forcément, il y a du monde du côté du standard. Allô. Salut Kelly. Allô. Coucou Kelly. Allô. Bonjour. Kelly de la possession, ça va Kelly? Oui, comment vous connaissez Kelly? Ah, on sait tout. Ah, bon, c'est tout, nous on est le FBI. Ah, on m'espionne. Ouais, Kelly. C'est comme ça que ça se passe ici. Et on sait même que vous avez les bonnes réponses, Kelly. Ah, je suis pas sûre, mais je pense que oui. Alors, on écoute, Kelly. À la Whitney Houston. Oui. Et Will Smith. Whitney Houston avec My Love Is Your Love et Will Smith. Will Smith avec Miami. Bah oui. Ah bah oui, mais Kelly, elle est partie. Bah qu'est-ce qui s'est passé, Kelly? Là, il y a un petit problème de portable. En tout cas, c'est gagné pour Kelly. Bah oui, c'est ça pas le plus grave. Important. Bah oui, vous repartez avec vos invitations, ma chère Kelly. Elle est là. Elle est revenue. Elle est pour là, ce Kelly. Concert Enfants Zillois, voilà, petit stade de l'Est, le 7 octobre. Bravo, Kelly. Super. Salut, Kelly. Merci, merci. Cool. Bonne journée. Bisous. Bonne journée. Salut. Au revoir. Il est 5h53 dans toute la Réunion. Voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Defaux Henri Paul. Monsieur Defaux Henri Paul, domicilié à Saint-Louis. Le décès est survenu dimanche à l'âge de 72 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire du Sud aujourd'hui à 13h30. La crémation aura lieu au centre funéraire de Prima à 15h. Décès de Monsieur Abrousse Jean-Marc. Monsieur Abrousse Jean-Marc, domicilié au Tampon. Le décès est survenu hier. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire sud aujourd'hui. L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Pierre. L'heure sera connue ultérieurement. Décès de Madame Técher Daniel Annie Gisèle. Madame Técher Daniel Annie Gisèle. Le décès est survenu samedi à l'âge de 46 ans. Le discours biblique aura lieu vendredi à 13h30. La crémation aura lieu au centre funéraire de Prima. Décès de Monsieur Merion André Marc. Monsieur Merion André Marc, dit Marco, domicilié au numéro 1, chemin Blémire, appartement 3, résidence 3 Trésors à Sainte-Anne. Le décès est survenu hier à l'âge de 72 ans. Le convoi mortuaire sortira de la salle franc d'essai bénédictin de Saint-Benoît aujourd'hui à 14h30. La bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Anne à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Monsieur Bertil Joseph Yves Daniel. Monsieur Bertil Joseph Yves Daniel. Le décès est survenu le 7 septembre à l'âge de 71 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima aujourd'hui. La bénédiction aura lieu à la chapelle du centre funéraire à 11h, suivie de l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge. Décès de Monsieur Rivière Georges Marcel. Monsieur Rivière Georges Marcel. Le décès est survenu dimanche à l'âge de 80 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile au numéro 13 rue Eugène Daillot au port aujourd'hui à 14h. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Yves à 14h30, suivie de l'inhumation au cimetière de la rivière Saint-Louis. Décès de Monsieur Rindiou Rémy. Monsieur Rindiou Rémy. Le décès est survenu dimanche à l'âge de 55 ans. La veillée a lieu au domicile 14 chemin des Mamosas, Ravine des Cabris. Le convoi mortuaire sortira de cette adresse aujourd'hui à 8h15. La bénédiction aura lieu à l'église de la Ravine des Cabris à 9h, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Veuve, Radjosefa Némaillot Marie-Paulette. Madame Veuve, Radjosefa Némaillot Marie-Paulette. Le décès est survenu hier à l'âge de 76 ans. Une veillée aura lieu jeudi à partir de 11h30 au centre funéraire de Prima. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Quelques infos pratiques, Michael. Avec des coupures d'eau, après avoir appelé les palmistes, c'est le maire qui informe ses abonnés de la rue d'Aloès que la coupure est prévue à partir de 8h, et ce, jusqu'à la fin des travaux. Il compte sur la compréhension de tous, coupure à partir de 8h ce jour. Demain, à partir de 9h, sur les secteurs suivants de la possession, là aussi, l'alimentation en eau sera interrompue. Avenue de Port-Louis, chemin des Lataniers, rue Alexandre Dumas et rue José Marti. La remise en eau est prévue à partir de 15h, sauf incident. Dans 3 minutes maintenant, ça sera l'information avec Florent qui nous rejoindra dès 6h. Et puis d'ici là, c'est Kaya avec un de ses grands succès. S'y met la lumière. Sur Première. Ça même si m'étonne mon amour, ça même si m'est qui m'a vous passé. Ça s'y met la yale là-bas même, ça même si m'est qui m'a vous passé. Ça même si m'est devine de moi, ça même si m'est qui m'a vous passé. Ça s'y met la lumière, ça même si m'est qui m'a vous passé. Qui donne salaire depuis beaucoup d'années. Ce sans essai. Kaya avec 6000 la lumière, Florent, bah, forcément, ça a eu le meilleur. Bah, il bouge. Ah, bah, oui. Bah, ah, en oui, même comme temps, tous les matins, en 6 heures. Ce sont les hauts de bouger, les 6 heures déjà. Le journal de la rédaction, Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Marie, Judy, Olivier, de nouveau devant les assises. L'an dernier, la jeune femme a été condamnée à 14 ans de réclusion pour le meurtre de son concubin. Elle est rejugée en appel à partir de ce matin. On la croyait derrière nous, la grippe semble pourtant de retour à La Réunion. Depuis la rentrée, le nombre de consultations ne cesse d'augmenter. L'ARS parle d'une possible deuxième vague épidémique. Le Piton de la Fournaise, troisième jour d'éruption. Et aujourd'hui encore, on attend beaucoup de monde au Pas de Bellecombe. Pour être aux premières loges, certains ont choisi l'hélicoptère, un service très demandé depuis dimanche. Et puis on parlera sport automobile dans ce journal. Le Rallye Jeune 2016 a démarré, 24 candidats seront sélectionnés et tous rêvent de la même chose, le championnat du monde des rallyes. C'était l'an dernier, au mois d'avril, Marie, Judy, Olivier comparaissaient devant les assises pour le meurtre de son concubin. Deux jours de procès et le verdict tombe. La jeune femme est condamnée à 14 ans de réclusion criminelle. Alors oui, elle a reconnu avoir poignardé Rudy Blard le 11 avril 2013 à Saint-Benoît, mais pour elle, la peine est trop lourde. Marie, Judy, Olivier a donc fait appel. Nadine Bachelot. Marie-Olivier a reconnu sans problème les faits, mais pour les coups de couteau, elle l'a redit lors de son premier procès, c'était un réflexe. Je ne voulais pas en arriver là et elle n'a jamais varié d'un iota dans ses déclarations. Il est 20h quand une dispute éclate au sein du couple. Rudy Blard, 22 ans, ivre, veut ressortir avec ses dallons. Sa compagne, qui n'est guère plus âgée, n'est pas d'accord. Aux assises, elle avait expliqué qu'elle souhaitait une vie de couple normale, un foyer uni pour le petit Mathis, alors âgée de 2 ans à l'époque. Elle voulait donc qu'il reste à la maison. Son avocate avait mis l'accent sur le climat de tension permanente qui régnait dans le couple. Et ce jour-là, la dispute prend une autre tournure, explique la défense. Elle lui plante un couteau à viande en plein cœur, ne lui laissant aucune chance. Pour les jurés de la cour d'assises, en condamnant la jeune mère de famille à 14 ans, ils montraient qu'ils étaient convaincus qu'elle avait bien eu l'intention de tuer Rudy Blard. L'avocat général, qui avait requis entre 8 et 10 ans, n'a pas cru, lui non plus, au geste impulsif. Pour ce deuxième procès, Marie-Olivier parviendra-t-elle à convaincre les nouveaux jurés que les coups de couteau n'étaient qu'un geste de réflexe ? Verdict demain soir. Toujours aux assises, Giovanni Clore a été condamné hier à 12 ans de réclusion criminelle pour viol. Il avait abusé d'une jeune femme dans sa voiture en juillet 2014 au tampon. Il va faire appel. David Janac, l'incendiaire de Brapanon, lui aussi a été condamné hier. 2 ans de prison ferme pour l'homme de 38 ans qui avait mis le feu à la maison de son voisin. C'était vendredi dernier. David Janac devra également indemniser sa victime. Attention, si vous n'êtes pas vacciné, la grippe est de retour à La Réunion. L'ARS parle d'une deuxième vague épidémique après le pic de juillet. Le nombre de consultations est d'ailleurs en hausse chez les médecins sentinelles qui accusent l'hiver très froid et très long. Dans l'île, depuis le début de l'année, 63 personnes ont été hospitalisées, 17 sont décédées. L'agence de santé met donc en garde les personnes vulnérables. Daniel en fait partie, mais la gramoune de Saint-Denis préfère se soigner avec ses tisanes traditionnelles. Comme on a la grippe, il soigne moi par moi-même. Et quand il commence, le nez il coule. On lui fait une inhalation, le thym. On fait bouillir un bon bouquet, le thym, et on met aller dans une bassine. Et on respire, on fait une inhalation. On couvre la tête et puis on respire. Et le soir, on boit un bon bol de thym chaud avec du miel. Et à la rigueur, on met un petit feralgan ou avec un doliprane pour douleur. Il a tout, on fait bouillir cannelle. L'écorce benjoin ou boire ça le soir chaud ou en d'autres lits. Moi, il faut transpirer, hein, parce que la grippe, c'est un virus. On a la fièvre dans le corps. Ou boire ça chaud, dans la nuit, on transpire. Après, on les guérit. Pas tout à fait, mais avec la tisane, il aide beaucoup. Daniel, une gramoune de Saint-Denis au micro-réunion première de Johan Adamadorassi. Et encore une fois, attention aux coups de froid, les températures sont basses encore aujourd'hui. Météo France annonce 11 degrés ce matin au volcan. Le piton de la Fournaise, on y vient. L'éruption est toujours en cours, elle est toujours visible du Pas de Bellecombe. Un site qui ne désemplit pas depuis dimanche, mais certains, pour éviter les embouteillages certainement, et surtout pour être les mieux placés, ont choisi l'hélicoptère. Problème, les baptêmes de l'air entre Bourmura et le volcan ne sont pas encore en place. Pour l'instant, Corail Hélicoptère décolle de Saint-Pierre ou de la Saline. Mais selon Maxime Rousseau, pilote et responsable des opérations en vol, la demande en préfecture pourrait se faire dans les jours qui viennent. On n'a pas été vraiment à même de pouvoir pourvoir tout de suite à des baptêmes de l'air sur le site. Les autorisations mettent un petit peu de temps à être obtenues. Dernière fois, on a pu le faire un petit peu plus rapidement. On avait des contextes qui étaient un petit peu meilleurs pour les demandes. Là, pour l'instant, on n'a rien vraiment de prévu. Les effectifs niveau pilote et réservation au mois de septembre n'étaient pas vraiment au point pour pallier à un surplus d'activité avec des baptêmes à Bourmura. Là, le nombre de vols a augmenté quand même depuis l'éruption. Oui, là, on a eu une forte demande sur les vols au départ de Saint-Pierre pour des vols spécialement demandés pour le volcan, qui sont des vols qui rarement faits de manière générale sur l'année, sauf dans les zones d'éruption. Donc en ce moment-là, on va être sûrement amené à en faire de plus en plus. Mais dans les jours à venir, on sent qu'il y a une augmentation assez nette. Maxime Rousseau, pilote chez Corail Hélicoptère, au micro Réunion Première d'Hubert Debeux. De nouveaux immeubles ont été inaugurés hier à Saint-Denis. Ils se situent entre le Barachois et la gare routière au niveau du centre-ville. 8 commerces et 99 logements du T2 au T5 composent ce groupe d'habitations de la SHLMR. Il aura fallu 19 millions d'euros et 3 ans de travaux pour le sortir de terre. Mais hier, 10 familles ont officiellement reçu les clés des appartements. 6h06 sur la première, la suite du journal Florent Marot. C'est fait. Depuis jeudi dernier, l'université a un nouveau président, ou plutôt un président, Frédéric Miranville, et un conseil académique dirigé par Gilles Lajoie. C'est une première à La Réunion. Ce conseil académique sera notamment chargé du suivi des évaluations et devra fixer les orientations de la recherche. Un partage des pouvoirs salué par l'UNEF et son président Elno Herrier. Depuis la LRU et finalement l'autonomie des universités avec beaucoup de pouvoir accordé au président, là c'est quand même un petit retour en arrière à ce niveau-là qui est plutôt bien dans la phase démocratique, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas seulement le conseil d'administration, il n'y a pas seulement un président tout puissant, et donc à ce niveau-là c'est quand même plutôt bien pour la démocratie. Et ce conseil académique permettra aussi de pouvoir permettre à beaucoup plus d'instances de travailler sur des dossiers tels que le budget, même s'il ne le vote pas, il a un avis consultatif à rendre dessus, donc c'est vraiment bien ce sens-là. Est-ce que ça va être vraiment un contre-pouvoir, puisqu'il y a eu association pour amener ce binôme à la tête de l'université ? Je ne sais pas s'il faut parler de contre-pouvoir, mais en tout cas, c'est sûr que le conseil académique est là aussi pour travailler sur des dossiers du conseil d'administration, et donc forcément, sur la démocratie, sur la consultation, sur la transparence, il y aura des progrès. Elno Herrier, président de l'UNEF, au micro Réunion Première d'Olivier de la Richaudie. Politique, Jean-Jacques Morel, vice-président Les Républicains du département, souhaite être candidat aux législatives de juin prochain. Ce serait dans la première circonscription. Il l'a annoncé hier dans Devant la Réunion. Et on reparlera politique à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Jean-Alain Cadet, conseiller régional Europe Écologie Les Verts. Au menu, la primaire chez Les Verts, les candidatures écolo aux législatives à la Réunion, la carrière de Bois Blanc et la nouvelle route du littoral. Le sport, le rêve de nombreux Réunionnais. Participer au championnat du monde des rallyes. Eh bien, devenir le prochain Sébastien Loeb, c'est possible en participant au Rallye Jeune. L'édition 2016 a démarré, l'heure est aux présélections. Elles sont réservées aux 18-25 ans, les nouveaux talents du sport automobile. Et pour être sélectionné, deux possibilités cette année. Les précisions de Laurent Olivier, responsable de Drive Racing et organisateur de la manifestation. Ces jeunes-là pourront donc soit s'essayer en virtuel sur simulateur à SimRace Saint-André pour essayer d'être parmi les 12 meilleurs sélectionnés. Et on a aussi une date en réel sur Circuit de Jamaïque le 2 octobre pour essayer d'être dans les 12 meilleurs. Il faut savoir qu'on va sélectionner 24 meilleurs, donc 12 plus 12, et ces 24-là passeront la finale le 23 octobre au Circuit de Jamaïque sur également des véhicules Ford. Et dans ces 24-là, on va en sortir 4, et ces 4 meilleurs pilotes viendront avec nous à la finale nationale à l'aide de Nantes à Nîmes en novembre. À la finale, les deux meilleurs nationaux auront un contrat en championnat de France des rallyes dès 2017 et le meilleur challenge aura un contrat en championnat du monde des rallyes. Laurent Olivier, un des organisateurs de ce Rallye Jeune 2016 au micro Réunion Première de Johan Adamadorassi. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info ce matin, Édouard Marguier. Le dossier Alstom sera encore à la une ce mardi. Les syndicats du site menacé de Belfort, en Bourgogne-Franche-Comté, sont reçus aujourd'hui, ce mardi, par Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'industrie. Ce sera à 14h. Le producteur de trains a annoncé le transfert de l'usine de Belfort vers celle d'Alsace. François Hollande s'est fixé comme objectif de sauver cette usine belfortaine et a demandé au gouvernement de se mobiliser pour que l'usine ne déménage pas vers l'Alsace. Paris-Bucarest pour François Hollande. Le président est en voyage en Roumanie à partir de ce mardi. Ce sera la première visite officielle d'un chef d'État français au bord de la mer Noire depuis 25 ans. Voyage en thème, au thème économique, il va notamment visiter une usine d'hélicoptères Airbus. Ces personnes voulaient commettre un attentat dans une gare à Paris et en Île-de-France. Un homme et trois femmes sont placés en détention provisoire et mis en examen pour terrorisme depuis hier soir. Il s'agit des membres présumés du fameux commando de femmes qui avait été arrêté après l'attentat déjoué à Paris il y a 10 jours. Et puis une autre mise en examen, un jeune de 15 ans qui lui aussi est inculpé pour avoir projeté de faire un attentat dans la capitale. Il est lui aussi écroué. Toutes ces personnes pourraient être en lien avec Rachid Kassim, ce djihadiste français en Syrie, inspirateur présumé des attaques de Magnanville et de Saint-Étienne-du-Rouvray. Une adolescente de 15 ans s'est fait poignarder par un de ses camarades de classe à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. La lycéenne est à l'hôpital cette nuit dans un état grave, pronostic vital fortement engagé selon le ministère de l'Éducation qui a publié un communiqué. L'agression a eu lieu à la sortie des cours dans l'enceinte de l'établissement. L'agresseur est en garde à vue et il est interrogé en ce moment pour connaître ses motivations. Il y a eu une mutinerie qui a duré 2 bonnes heures ce lundi soir. Hier soir, dans la prison de Vivonne, près de Poitiers, des détenus ont réussi à voler le trousseau de clés d'un surveillant du deuxième étage, puis ont allumé un incendie. Les forces de l'ordre et les pompiers ont dû intervenir pour remettre le calme. Pour rétablir le calme, le ministère de la Justice salue le sang-froid des fonctionnaires. Les auteurs de cette mutinerie ont été placés en garde à vue. Aux États-Unis, Hillary Clinton a parlé sur CNN au téléphone. Selon la candidate démocrate à la Maison-Blanche, elle ne s'est pas évanouie lors des cérémonies du 11 septembre, mais elle a simplement perdu l'équilibre pendant 1 minute, un vertige, rien de plus. Hillary Clinton est soignée pour une pneumonie, c'est ce qu'a annoncé son équipe hier, et elle reprendra la campagne cette semaine après s'être reposée dans sa maison situé près de New York. Option canapé pour ce soir, c'est la reprise de la Ligue des champions de football. Le PSG reçoit les Anglais d'Arsenal à 20h45 au Parc des Princes. Dans le groupe du PSG, une surprise, Atem Ben Arfa n'est pas retenu dans la liste. L'attaquant n'est pas blessé, mais simplement pas au niveau, selon l'entraîneur parisien. Il est déjà 6h12 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Du gris, du vent, de la pluie, c'est le menu de ce début de journée, Mickaël. Malheureusement pour toutes les régions, allant de l'étang salé en passant par Saint-Joseph jusqu'à Sainte-Suzanne, là vous vous réveillez sous ce type de temps, comme Edith des Avirons qui nous dit le vent, la pluie, depuis ce matin très tôt. Alors y compris donc Cirque de Cilaos, Plaine et Salazie et le volcan hein, qui sont concernés par ce type de temps de l'autre côté, sur le chef-lieu ou encore sur les plages, c'est quand même bien mieux, avec un ciel qui laisse place à un peu plus de bleu. Ça va s'améliorer pour tout le monde dans le courant de la journée, ça c'est la bonne nouvelle. Poussé par le vent, les nuages vont enfin disparaître du côté notamment de l'étang salé de Saint-Pierre et du sud sauvage, ainsi que de l'autre côté, Sainte-Suzanne ou encore Sainte-Marie. Comptez 60 à 70 km/h en pointe. Pour le vent, une mer qui sera agitée, voire houleuse même, avec une moyenne de vague de 2 mètres sur l'ouest et le sud, et les températures fraîches ce matin, 6 degrés au volcan, 12 dans le cirque de Cilaos, mais un peu plus douce hein, sous les nuages forcément. 19 degrés au port, cet après-midi on ira jusqu'à 25 dans le chef-lieu et 15 au volcan. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et on va retrouver Yves sous la pluie, Mickaël. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Yves est au portail. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Oui, c'est pas un temps de motard hein. Ce matin, en tout cas pour la partie sud de la route des Tamarins, à partir de Stella, la pluie est donc se fait sentir, à bien sentir ici, avec de bonnes rafales de vent. Alors, faut en plus être vigilant sur une chaussée glissante, et en plus avec ces déports de vent qui peuvent vous donner quelques Artisac, donc faites très attention, bien entendu, surtout en provenance du nord, puisque là, donc, on part sur route sèche, donc il n'y avait pas vraiment de problème avec un trafic vraiment très très modéré dans le sens nord-sud. Attention, un véhicule est en panne, il y a une patrouille qui s'est mise derrière, ça c'est au niveau juste de la bretelle de sortie de l'éperon dans le sens nord-sud. Et puis l'embouteillage qui démarre juste à après l'échangeur de Plateau Caillou avant la tranchée couverte. Donc c'est bien dense, il y avait beaucoup de trafic en provenance du sud que j'ai croisé ce matin. Et la présence également de pompiers vers la ravine Petit Étang, toujours sur le bord de cette route des Tamarins. Une intervention sur un feu de broussailles, il était sur un sommet d'une petite butte. Ça a été maîtrisé, donc là il n'y a pas de gêne, il y a eu quelques lueurs ce matin dans la nuit. Voilà, circulation donc compliquée par rapport à ce mauvais temps dans le sud, et puis un trafic dense côté est à partir de Saint-André, mais ça devient un peu plus compliqué en abordant l'échangeur de la Marine si vous allez vers Saint-Denis. Voilà, très bonne route et prudence sous la pluie. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et ce matin, à 6h15, on a décidé de faire les courses pour vous. Enfin, en tout cas, vous les ferez vous-même. Mais on vous paye vos courses. 20 euros. C'est ça. À valoir chez Espace Fraîcheur pour acheter tous les fruits et les légumes que vous voulez. Exactement. Voilà, comme ça. Comment ça se passe? Ça va se passer dans un instant. Il suffit de composer le 02 62 99 2000. Et ensuite, on ira au marché. Avec où il n'y a pas de bazardier. Du côté de beau séjour. Le marché, il n'y a pas de bazardier. Il doit y avoir de moules, c'est vrai, de moules bazardier. Un peu plus quand même. Se remplir. Enfin, il faut des clients surtout. Parce que s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de bazardier. S'il n'y a pas de bazardier, il n'y a pas de clients. On verra. Donc il n'y a plus de marché. Oh là là. On ira. À la fin du monde. On ira voir Prisca dans un instant. D'ici là, c'est Soprano avec Le Diable ne s'habille plus en Prada sur Première dans Grand Matin. Bienvenue. Monsieur. Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille d'un plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le prochain album sortira en octobre prochain. Le diable ne s'habille plus en Prada. Soprano reviendra avec Everest dans quelques jours maintenant. Et d'ici là, c'est le marché à Sainte-Marie avec Prisca. Restez là. Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Tous les samedis avec Beverly, une drôle de radio. Une heure pour rire et passer un bon moment en musique. L'effet pour votre double décibilisé, tu vois. La compilation du Zambrocal du Letty. Les temps échangent, que sauve Midiazol. Et la rediffusion des radioménages de la semaine. Tiens, si c'est le praline, et là tu me donnes le pistache pour manger. Tranche papaye de rigueur dans Drôle de radio. Tous les samedis, 11h midi, avec Beverly sur Réunion Première. Première. Mais d'abord, on va glisser un petit billet de 20 euros dans votre porte-monnaie. Ça fait du bien avec la rentrée qui est passée et ça fait dépenser la rentrée. Hein. On n'a plus beaucoup d'argent. Qui veut prendre ses fruits, ses légumes dans ses magasins espaces fraîcheur? Appuie sur le bouton là. Allez, on appuie et on part du côté de Sainte-Rose avec Catherine. Bonjour, coucou Catherine. Catherine, une fois. Oui, bonjour. Ah bah voilà, elle est là, Catherine. On croyait vous avez disparu. Oh non. Ah bon. Catherine au travail déjà? Non, pas tout de suite, dans un instant. On y va dans pas longtemps, elle est secrétaire comptable dans une association. Voilà. Donc beaucoup de chiffres, toute la journée. Et oui. C'est ça. Et 20 euros, ça vous dit bien ça aussi. Ça vous dit bien même. Voilà. Oui, ça me dit oui. Bon, eh bien félicitations, le bon, eh bien il est pour vous de 20 euros, valable dans les magasins Espace Fraîcheur. On vous fait un gros bisou, Catherine. Merci, gros bisou à toute l'équipe. Merci. À très bientôt. Bonne journée, Catherine. Merci de même. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Y a-t-il enfin des clients sur le marché forain de Beauséjour, Prisca? Attendez, je regarde à droite. À gauche? Non, je vois personne. Oh non. Je vois pas grand monde non plus. Oh non. Bon, il n'y a plus de marché à Beauséjour. J'ai une bonne nouvelle. Vous savez, ce week-end, c'est les journées du patrimoine. Mm. Nous, on va prendre de l'avance ici, puisque Jo, il est guide pays le samedi et bazardier le mardi. Ah bonjour, là là. Jo. Bonjour à tous, bonjour la région. Coucou Jo. Salut Jo. Alors, comment ça va? Ça va ou même? Il y a des bazardiers aujourd'hui sur le marché. Ah bon, quand même, on a eu peur. Oui, mais de Moon. Il y a des bazardiers. Bon, on a eu peur. De Moon, la Poitrou, ils vont arriver après, c'est ça, Jo? On va acheter du bon. On va lancer un message spécial. Nous sommes à Beauséjour, vous avez des fruits et des légumes frais, et notamment, Jo, vous allez nous parler de ce Jacques Sosso. Alors, il y a du Jacques Sosso, Jacques de miel et Jacques dur. Il y en a trois qualités de Jacques. Oui, ben, c'est quoi la différence, là? Ben là, la différence, c'est la qualité. Le Jacques dur, un petit peu plus sec, plus moelleux. Mm-hmm. Et le Jacques de miel, il coule comme de miel. Ah, voilà. Là, on prend les gousses de Jacques, comme ça, on mange. Voilà, à la maison, avec un petit rhum à granger. Mais même sans... avec modération. Et même sans rhum à granger, puisqu'on peut rajouter... du miel, je vois que vous avez ramené du miel aussi. Du miel, oui, du bon miel de forêt, ici accueilli à Sainte-Marie, miel de fleurs aussi. On va revenir sur le Jacques, parce que là, on la coupe toute, hein, tout est bien prêt pour manger, en fait. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait pas pour nos clients? Ben, on coupe préparé, déjà couvert avec un petit film de fraîcheur, et les gens, on a juste amené chez eux et déguster. Ça coûte à combien, là, la part de Jacques? Pas cher, 2 euros. Oh. Mais là-bas, dans la caisse, il y en a un gros Jacques, à cause de la laisse aller là-bas. Au cas où, s'il y en a un peu plus gourmand. Ah. Voyons. Ça, c'est pour Isabelle et Mika. Ils sont gourmands? Ah là là, ça y est, on commence à dévoiler les secrets. Hein, la région première. Exactement. Alors, juste à côté de vous, il y a Jean. Jean, il a ramené des chou-fleurs, Mont-Perle, Mont-Blanc. Ça, c'est deux qualités de chou-fleurs, ça. C'est le chou le plus blanc que le blanc. Il n'y a pas mieux. Hein. C'est vraiment une boule de neige, quoi. Oh. Donc, quelle différence entre le Mont-Perle et le Mont-Blanc? Ben, le Mont-Perle, il est un peu plus pointu, d'accord? Et le Mont-Blanc, il est rond, mais comme le... Comme une boule de neige dans le Mont Blanc. Ah. Oula, c'était une image. Et c'est quoi, Jean? On l'a dit là? Qu'est-ce que Jean il a rajouté? Jean l'a dit, ça vient du voile de la mariée, sous le voile de la mariée, parce qu'il habite pas loin du voile de la mariée. Mm-hmm. Et les choux, ils prennent la couleur de Salazie, quoi, le chou blanc. La couleur de la cascade. Comme les tillables de Salazie. Oh. Ouais, un petit coucou. Et poète, Jean. De Salazie, qui sont de l'autre côté du marché d'ailleurs. Un petit coucou à Gismi qui vend des salades sur le marché forain de Sainte-Suzanne. Mais il y a des salades ici sur le marché forain de Beauséjour, Jo. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Salazie, espace fraîcheur de Salazie. Venez voir les fraîcheurs de Salazie, c'est là que c'est bon. Ah, on ira faire un tour ce week-end. Bon, et on attend les clients, hein, vraiment. Attends bien, ma fille. Bon. Rendez-vous tout à l'heure à 8h30, il y aura quelques petites douceurs à déguster sur Réunion Première avec Jacques, bien sûr. Et c'est le mot de passe? Jacques Sosso. Jacques de miel. Okay. Non, pas de Jacques Daniel, pas ce matin. Non, pas Jacques Daniel. Jacques Daniel. Ah, moi, j'ai compris Jacques Daniel. Je veux. Oh, bon, comme gueule. Quoi. Hein. Bon, j'ai passé une sale soirée hier. Hein. Bon, bah, bonne nuit, Mickaël. Oui. Salut, Prisca. Allez, bisous. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Voilà. Mais avec le téléphone, des fois, oui, on comprend pas très bien les bruits. Ben hein, oui, on ne sait jamais. Hein. Les sons sont pas pareils. Hein. On parle économie? Allez. Allez, si la langue française permettait de faire des affaires, l'Organisation internationale de la francophonie y croit et s'investit de plus en plus dans des projets d'entreprise. À la fin du mois d'août, le MEDEF a même organisé une conférence sur la francophonie à son université d'été en présence de la secrétaire de l'OIF.

Yves qui nous attend à l'étang salé. Je parlais pas pour vous. Hein. Oui, c'est bon. Bien ces petits arbustes en bois de goyavier, mais avec du plexi au-dessus, donc comme ça on est bien à l'abri. Alors ceci dit, ils viennent de ramener. Il y a une petite accalmie, la chaussée trempée, attention, adaptée, votre vitesse, bien sûr, aux conditions de circulation. Et à vérifier, donc, surtout, donc, vos distances de sécurité, utiliser notamment la descente du tampon, le frein moteur. Attention, parce que là, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de pluie, sur cette 4 voies, depuis la rentrée surtout. Donc, ça pourrait changer la donne. Restez très vigilants ce matin, le frein moteur plus que le frein. Circulation sans trop de changements pour la partie ouest au niveau de l'échangeur de plateau caillou pour le début des difficultés sur une route qui s'assèche après Stella, donc sur la hauteur de Saint-Leu, donc pour vous qui circulez dans le sud vers le nord, ensuite les conditions sont quand même bien meilleures. Le trafic ralenti à l'entrée ouest, alors simplement hauteur de la caserne Lambert, ça se passe bien sur la route littorale actuellement, sur l'entrée est également, en dehors de la fin du Lancastel, les difficultés se situent avant Sainte-Marie surtout et maintenant depuis quasiment la Cocoteraie, hein, donc les bouchons du mardi, voilà, c'est tout à l'heure, ça, c'était encore plutôt modéré, mais là ce n'est plus le cas. C'est un bon ralentissement bien senti depuis Saint-André jusqu'à Sainte-Marie. Bonne route à tous. Et on fera un nouveau point route dans 10 minutes. Il est 6h30 sur la première. C'est l'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Vous vous sentez faible, fiévreux, vous toussez, vous avez peut-être la grippe. Le virus sévit actuellement. Attention, ce n'est pas un simple rhume. Les complications peuvent être graves. On y revient dans un instant. L'éruption du volcan fait les affaires des compagnies aériennes et d'hélicoptères. Elles proposent des survols et c'est bienvenu en ce mois de septembre. Vous l'entendrez. Didier Robert choisit Nicolas Sarkozy. Un choix salué par Jean-Jacques Morel, le vice-président. Les Républicains expliquent cette décision. Il était l'invité de devant la réunion hier soir. Et puis, retour sur l'élection du président de l'université. Les étudiants ont-ils suivi le feuilleton ? Réponse à la fin de ce journal. L'hiver austral n'est pas terminé et la grippe en profite pour s'installer de nouveau. Deuxième pic épidémique en ce moment dans l'île. L'Agence régionale de santé prévient les personnes vulnérables doivent se faire vacciner. Depuis le début de l'année, 63 personnes ont été hospitalisées en réanimation pour une forme grave de la maladie. 17 sont décédées. Le reportage au Moufia de Johan Adamadorassi. Fièvre, nez qui coule, toux, fatigue, la grippe persiste cette année. Pas étonnant, selon Daniel. Pour la Gramoun, l'hiver est rude. Première fois à La Réunion, on a un hiver aussi dur. Hein. Et puis avec le vent, ben c'est pour ça aussi, hein, maintenant la grippe. Du coup, dans les pharmacies, c'est le défilé, surtout depuis la rentrée scolaire. Mais si certains malades ont une ordonnance, d'autres ont décidé de traiter le mal autrement. Ceux-là sont de plus en plus nombreux, selon Nadia Nodon, pharmacienne titulaire au Moufia. Ils viennent chercher des médicaments pour la fièvre ou qui soigne tous les symptômes grippaux, des sirops pour la toux, des pastilles pour la gorge, des huiles essentielles aussi. Les gens essayent de se soigner directement. Christelle est professeure stagiaire. Elle vient tout juste de s'installer dans le quartier. Malade depuis jeudi, elle fait face à un virus particulièrement hargneux, d'où sa visite chez SOS Médecins. J'avais mal à la gorge et maintenant j'arrive plus à parler. Et c'est assez handicapant de faire des cours en ne sachant pas parler. Vous avez essayé de vous soigner toute seule ? Non. J'ai bu du miel et de la tisane. Dernier recours, médecin. Ben oui, ça devient insupportable maintenant. D'où l'importance de traiter le mal rapidement, selon Nadia Nodon. Autre conseil de la pharmacienne, se requinquer après la guérison avec un traitement énergisant. Johan Adamadorassi se soigne aussi pour éviter de contaminer tout son entourage. Dans l'actualité de ce mardi également, l'éruption qui se poursuit au piton de la Fournaise. Depuis dimanche, on peut observer la coulée de lave depuis le pas de Bellecombe. Le spectacle peut également être admiré depuis le ciel. Les compagnies d'hélicoptères sont autorisées à survoler l'enclos. Une aubaine pour les professionnels pour qui le mois de septembre s'annonçait plutôt creux, Hubert Debeu. Les cirques, les baleines et le volcan sont les trois mamelles touristiques de la Réunion. Et lorsque l'éruption jaillit du piton de la Fournaise, les hélicoptères chauffent. Mais pour l'instant, les survols Bourmura-Volcan à prix réduit ne sont pas programmés. Maxime Rousseau est pilote responsable des opérations en vol chez Corail Hélicoptère. On n'a rien vraiment de prévu. Les effectifs niveau pilote et réservation au mois de septembre n'étaient pas vraiment au point pour pallier à un surplus d'activité avec des baptêmes à Bourmura. Mais on n'est pas à l'abri d'éventuels baptêmes de l'air dans les jours à venir. Le survol du volcan le moins cher pour le moment, c'est au départ de Saint-Pierre. Mais il y a aussi des vols à partir de l'héliport de la Saline. C'est ce qu'ont choisi ces trois couples de Suisses. Ils n'en reviennent encore pas. C'était juste incroyable, c'était juste un rêve. Avec l'hélicoptère en plus. C'est une fois dans sa vie qu'on voit ça, donc on est très chanceux. C'était un des highlights du séjour, effectivement. Et il n'y a pas eu de bagarre pour avoir les meilleures places dans l'hélico. Elles sont attribuées selon des critères bien précis. Alison est agent de réservation. Les passagers sont prévenus dès la pose de réservation qu'ils sont placés selon leur taille, poids et corpulence. Les plus légers à l'avant et le reste à l'arrière. Mais au deuxième jour, l'éruption a déjà diminué. Jérémy Chigard est pilote. Par rapport à celle de 2015, là, qui a duré 2 mois, c'est un peu moins impressionnant pour l'instant, mais il faut voir comment ça va tourner. Après des vacances de juillet-août excellentes au niveau fréquentation, le volcan permet aux sociétés d'hélico d'exploser les réservations dans un mois traditionnellement creux. Hubert Debeu est compté au moins 180 euros pour un vol du côté du volcan. Les baptêmes devraient être plus courts et moins chers. C'est un petit événement pour ceux qui attendaient de s'installer dans leur nouveau logement. Hier, une dizaine de locataires ont reçu les clés de leur appartement, des logements tout neufs en centre-ville de Saint-Denis. L'espace Océan Îlot A2, c'est le nom du groupe d'habitation, est composé de 8 commerces et de 99 appartements. Les travaux ont coûté près de 19 millions d'euros et ont duré 3 ans. C'est un chantier parmi d'autres pour la SHLMR. Le bailleur social représente 36% du marché de l'habitat social. À La Réunion, Olivier Bajard, le directeur général de la SHLMR. Sans être mégalomaniaque, on est partout. En fait, non, on est presque partout. On est sur 23 communes sur les 24 communes de l'île. Aujourd'hui, on a à peu près, 600 logements qui doivent être livrés d'ici la fin de l'année sur l'ensemble du territoire. Alors, on est essentiellement aujourd'hui installé sur le nord, sur l'ouest et sur le sud de l'île, dans les bassins de vie et dans les bassins d'emploi, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est important. L'idée, c'est de construire les groupes d'habitation au cœur des endroits qui sont prioritaires pour les habitants. En l'occurrence, les centres urbains, les lieux de vie, là où il y a des infrastructures scolaires pour les enfants, des infrastructures de santé pour les personnes âgées et des infrastructures commerciales pour la vie de tous les jours. Olivier Bajard, interrogé par Mélodie Nourry. En bref, aux assises, jugement en appel. Aujourd'hui et demain, en avril 2015, Marie-Olivier avait été condamnée à 14 ans de réclusion criminelle. Elle avait été reconnue coupable du meurtre de Rudy Blard, son compagnon, le 11 avril 2013. Une peine trop lourde pour l'accusé, qui a donc fait appel de la décision. Nouveau procès dès aujourd'hui. 6h36 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. La politique avec la suite du feuilleton local sur la primaire à droite. On en parlait hier. Didier Robert lâche François Fillon pour soutenir Nicolas Sarkozy. Le sénateur Les Républicains a décidé dans un premier temps de soutenir François Fillon, puis s'est ravisé et a aussi parrainé la candidature de l'ancien président de la République. Une décision qui fait plaisir au sarkozyste Jean-Jacques Morel. Le vice-président Les Républicains du département était l'invité de Devant la Réunion hier soir sur Réunion Première. Il a confirmé que ce sont les propos de François Fillon sur la colonisation qui ont poussé Didier Robert à tourner le dos à celui qui était pourtant son favori. Je crois qu'il a été heurté par un certain nombre de prises de position ou de propos au minimum maladroits. Donc c'est vrai qu'ici, aux Républicains, à La Réunion, j'avais tout à l'heure Joseph Chinimalé en ligne, je crois qu'il nous a rejoint. Je dis nous parce qu'au départ, j'étais, je dirais, un peu esselé à La Réunion comme soutien à Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, le maire de cette grande commune de l'Ouest nous rejoint. Le soutien de Didier Robert, évidemment, est très précieux parce qu'il fait partie des présidents de région en France de droite. Donc c'est une voix qui compte. Rejoindre Nicolas Sarkozy aujourd'hui, je crois que c'est un choix, c'est le choix de la raison, parce que c'est le seul qui est à même, dans les moments difficiles que nous connaissons, de prendre en main les destinées de la France. Jean-Jacques Morel interrogé par Gaël Le Dantec. Les instances du parti devront trancher puisqu'un seul parrainage est autorisé et que les deux candidats revendiquent le soutien du président de la région. Jean-Jacques Morel a par ailleurs indiqué qu'il souhaitait être le candidat de la droite dans la première circonscription pour les élections législatives du mois de juin prochain. Et l'on voit double en ce moment à La Réunion, deux candidats pour Didier Robert, deux présidents à l'université. Jeudi dernier, l'université de La Réunion s'est dotée d'une direction à deux têtes. C'est une première. Au terme d'un scrutin à rebondissement, c'est Frédéric Miranville qui a été élu à la présidence. Une victoire qu'il doit à l'un de ses adversaires, Gilles Lajoie, qui a décidé de se rallier à sa candidature. En échange de quoi, il est devenu une sorte de patron bis de l'université. Il doit diriger le conseil académique. C'est aussi une nouveauté. un grand chambardement qui aura fait couler beaucoup d'encre, mais aura-t-il marqué les esprits des principaux concernés, les étudiants? C'est ce qu'Olivier de la Richaudie a essayé de savoir en se rendant sur le campus du Moufia. Mais qui est donc le nouveau président de l'université? Au petit jeu de l'interro-surprise, rares sont ceux qui ont la bonne réponse. Comme la plupart des étudiants, Anne, Sarah et Anna nagent en plein brouillard. On nous avait dit... J'ai vu à la télé, mais je sais pas son prénom. Non, c'est pas. Pour vous, ça change pas grand-chose. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, on voit pas trop les changements. On progresse tout de même avec Thomas, pour qui le nom de Frédéric Miranville ravive un vague souvenir. J'étais censé les lire, puis il y a eu un truc, c'était égal, là. Pour cet étudiant en sciences fondamentales, les questions de gouvernance ne sont pas vraiment au programme de ce début de semestre. Pour l'instant, on est en première année, c'est vrai, on vient d'arriver, on débute, on découvre vraiment, on ne sait même pas encore trouver les salles. Donc ça reste peut-être pas la priorité, après, il faudra voir, bien sûr. Un futur qui peut pourtant changer du tout au tout, selon les choix de l'équipe dirigeante, qui a parmi ses prérogatives, le choix des modalités d'examen ou encore la fermeture ou l'ouverture de filières. Voilà pourquoi Stéphane Maillot, administrateur au CROUS, voit d'un bon œil la création d'un conseil académique. Sur les questions purement étudiantines, le conseil d'administration adopté avant l'ensemble des règles relatives au règlement d'examen, aujourd'hui c'est une compétence qui a glissé vers la commission formation et vie universitaire et le conseil académique. Moins de concentration de pouvoir, plus de transparence, voilà ce qu'attend aussi l'UNEF de cette nouvelle présidence bicéphale, un tandem qui devra néanmoins dépasser l'effet d'annonce et faire ses preuves, prévient le syndicat. C'était un reportage d'Olivier de la Richaudie. Merci Cécile, on retrouve tout à l'heure pour les Unes de la Presse à 6h50. 6h40 sur la première. J'ai envie de chanter ce matin. Allez, on y va. Encore un matin. Un matin pour rien. Effectivement, pas de soleil. On oublie le soleil de l'étang salé en passant par Saint-Pierre jusqu'à Sainte-Suzanne avec des averses, du vent et souvent beaucoup de nuages en tout cas. C'est la même chose sur le littoral que sur les hauteurs. Le volcan, Salazie, les plaines y compris, et le cirque de Cilaos de l'autre côté, sur les plages. Sur Saint-Dy, chef-lieu, on le voit. Gris. Un peu plus, un poil de bleu quand même, un poil de bleu sur le gris. Ouh. Enfin, il faut bien le trouver. Ah oui, il faut chercher. Hein. Vers Saint-Denis, je dis. Hein. Ah. On est bien d'accord. Ici, on est plus vers Sainte-Marie, Réunion Première, donc c'est pas tout à fait le même type de temps. Cet après-midi, ça va s'améliorer pour tout le monde. Retour du soleil pour la plupart des régions, mais enfin, ça va être quand même assez timide, faut le dire, avec du vent, 60-70 km/h sur Saint-Pierre et l'autre région, donc vers Sainte-Marie-Sainte-Suzanne. Si vous voulez aller voir l'éruption du Piton de la Fournaise, il vaut mieux y aller cet après-midi que ce matin. Ouais. Ça, c'est déjà une chose à savoir. D'être prévenu. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Yves Allais, changeur de l'entre-deux. Alors, il pleut pas très fort, hein, c'est pas une grosse pluie, mais c'est une pluie qui mouille. Hein, donc la chaussée est bien trempée, glissante. Le contrôle, c'est le grand mot d'ordre. Donc pour une grande partie de l'île, puisqu'il pleut également l'autre versant, donc côté est, Saint-Benoît et même avant, la chaussée est un peu humide, semble-t-il, de la ravine des Chèvres, mais là surtout partie entre Saint-André, Saint-Benoît et en allant vers le sud et de l'autre côté. Donc je rappelle jusqu'à au moins Saint-Leu sur la route des Tamarins. Prudence, donc bien entendu, circulation qui se fait bon plutôt correctement sur cette partie. Sud-ouest de l'île. Gros trafic dans le sens Saint-Pierre-Saint-Louis encore à cette heure-ci. Dans l'autre sens, c'est en train de monter en puissance. Pour le moment, vous sortez de cette route de l'entre-deux et de Bois d'Olive sans trop de difficultés avant de rejoindre cet échangeur. Attention à être vigilant dans la descente du tampon avec cette chaussée glissante. Et ralentissement, pas d'évolution dans l'ouest, c'est toujours à hauteur d'échangeur de Plateau Caillou. Le camion de remorquage vient d'arriver pour dépanner le véhicule qui est signalé en panne tout à l'heure à l'entrée de la bretelle de sortie de l'éperon, sens nord-sud. Et puis donc sur la route du littoral, mais c'est à hauteur des potences que vous êtes ralenti actuellement. Donc avant d'aborder Saint-Denis avec un pont Vincennes encore à peu près roulant, une entrée est également, mais les bouchons sont surtout avant la ravine des Chèvres actuellement. Très bonne route et restez vigilants. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Et avant 7h, de l'amour. Oh, de l'amour et encore de l'amour jeudi. Je te prends pour Johnny Hallyday. Cinquième saison. Ah, de cinquième l'amour, saison. Oui. De l'amour, de l'amour. Les doux. Eh oui, ça va reprendre. Alors de quoi bien sera faite cette cinquième saison? Est-ce qu'il y aura des surprises? Est-ce qu'il y a des couples un petit peu particuliers? Est-ce qu'il y a des nouveaux endroits de La Réunion qui vont accueillir Rokhaya et toute son équipe? Eh bien, on le saura tout à l'heure, puisque normalement, on devrait avoir Rokhaya s'il finit levé. On espère en tout cas. On va le but réveiller. De l'appel réveil. C'est l'appel réveil juste après les Unes de la Presse à 6h50. Et comme tous les jours, là, à cette heure-là, oui. C'est le Lecce qui revient. Mm-hmm. Il va nous parler de cette espèce, les créoles qui vivent en métropole. Oui, voilà, c'est voilà. Ça. On pourrait même dresser une sorte de portrait robot, en fait. Complètement. Voilà. Ils s'appellent les créopolitains. Le Lecce, ils en ont quel quotidien. Créopolitain, contradiction des mots créole et métropolitain. Néologisme signifiant un ultramarin qui habite en hexagone. Alors si on s'amuse à créer de nouveaux mots comme ça, un réunionnais qui habite aux États-Unis c'est un créoméricain, un qui habite au Japon c'est un créoponais, un réunionnais qui habite en Syrie c'est un djihadiste et vaut mieux pas que la région y paye son continuité territoriale pour qu'il y rentre la case. Spéciale dédicace au frère Klein. Bon, on a compris le principe, les créopolitains ce sont les réunionnais qui ont décidé de quitter nos pitons, siacs, remparts et pimbouchons pour s'installer en hexagone. Et il y en a de toutes sortes. Néna 7 la décide de faire ses études loin de la case, soit parce que ça n'a pas confiance en la performance de notre académie, mi rappelle à Zod que notre université est toujours dans le bas du classement national et que les entreprises y préfèrent prendre de moon la faire ses études ailleurs. Hashtag Master Cocotier. Soit parce que la formation que Zod y veut n'a point ici. J'ai toujours voulu faire des études en glaciologie mais il n'y a pas ma formation dans l'île. Et pourtant ma fille c'est pas sachet glaçon qui manque dans ma station service à Réunion. Néna aussi, celle-là, tout simplement, trouve un travail là-bas. Chérie, chérie, bonne nouvelle, j'ai été promu au sein de mon entreprise. On quitte la Réunion dès le mois prochain. J'ai un poste de chef d'agence en Lozère. Mi peut demander le divorce pour non-compatibilité climatique. Mais qu'importe les raisons qui les poussent à quitter l'île, les créopolitains sont tous, qu'ils veuillent ou non, les ambassadeurs de la Réunion dans le pays Lafray. Car avec un départ de l'île Bourbon vient de grandes responsabilités et souvent les réunionnais exilés se retrouvent à expliquer à leurs camarades oreilles les spécificités de notre île. Non, on n'utilise pas le front pacifique, et non, le volcan n'a pas détruit l'île lors de sa dernière éruption. Et il n'y a plus d'adorateurs du petit lys d'amour aujourd'hui à La Réunion, plus personne ne voit la Vierge derrière un pied coco. C'est un rôle assez lourd et certains ne sont pas prêts. Moi par exemple, quand j'y étais, je faisais des recherches sur Wikipédia pour répondre aux questions de mes camarades métropolitains sur l'île. La honte quoi. Du coup, j'ai une idée pour l'IRT, et si on lançait un pack ambassadeur de La Réunion qu'on donnerait à tous ceux qui quittent l'île? Il y aurait dedans un livre avec les grandes lignes de l'histoire de la Réunion, un livre de recettes pour être sûr de vraiment faire un curry poulet correctement, et surtout, une petite bouteille de rhum de l'île. Car chacun sait, le meilleur moyen de convaincre un oreille que la Réunion les gaillards, c'est encore de le rendre sous. Quoi l'IRT ? N'a point assez d'argent pour lancer ça ? Toute l'argent n'a été utilisé pour la continuité territoriale. Rassure-moi, elle a quand même pas reçu un dossier des frères Klein par hasard. Sacré Lecce, qu'on retrouve à 16h50. Bon, sinon, pour tous ceux qui veulent avoir des idées pour cuisiner, on va parler du poireau tout à l'heure dans la Coljac avec. Avec Jackie et le chef Marie Gringalet. Oh, un poireau, ça n'avait qu'à se la tête, ça. Eh ben, vous saurez comment on cuisine cette affaire-là. On mange ça ou poireau? Oui, bien sûr, oui. Ouais. Bon, il y en a des poireaux partout. Damien Loretta, quand on arrive en ville, la reprise de Starmania. Ça arrive dans un instant, restez là. Du 14 au 16 septembre, Réunion Première vous fera suivre le CRC Tour. Une dizaine d'associations, des stands d'information et de nombreuses animations gratuites à l'occasion des 40 ans des caisses réunionnaises complémentaires. Retrouvez-nous de 10h à 12h dans Les Experts, en direct sur Réunion Première Radio, depuis la place du marché de Saint-André, le mercredi 14 septembre. Et lors d'interventions en direct de 9h à 12h, le jeudi 15 septembre à Saint-Joseph-la-Halle. Et le vendredi 16 septembre sur la place de la mairie à Saint-Louis. Du 16 au 25 septembre prochain, Sillaos devient cirque d'inspiration et de création. Exposition, contes, stages artistiques, réalisation d'une BD géante, ateliers, comédie musicale et concerts seront au programme durant ces 10 jours. Suivez tout le programme de la 13e édition du Sillaos Art, organisée par Destination Sud Réunion, en collaboration avec l'Archipel des métiers d'art et la ville de Sillaos, sur Réunion Première, en direct du cirque de Sillaos, les samedis 17 et 24 septembre, ainsi que les mardis 20, mercredi 21 et vendredi 23 septembre. La ville de Petite-Île présente la journée européenne du patrimoine le samedi 17 septembre de 9h à 17h30. Venez découvrir le patrimoine de la commune dans une chasse au trésor grandeur nature, des ateliers et des concerts. Découvrez les breads comme vous ne les avez jamais vus dans une conférence débat et un concours culinaire. L'après-midi, faites votre marché à l'escale au pays du terroir. La journée européenne du patrimoine à Petite-Île, c'est le 17 septembre 2016 de 9h à 17h30 au centre-ville et dans les quartiers. Causement sur Réunion Première. La langue du pays, la famille, la culture, les traditions. Pour moi, la Réunion, c'est le monde entier en petit. Sur le vivre ensemble quand nous vient d'ailleurs. Un causement sur la beauté intérieure de la Réunion. Causement avec Claude Montanet, tous les samedis de 10h à 11h sur Réunion Première. Première. Et ça petit-déj pas mal sur la page Facebook de Grand Matin. On salue Eva, notamment, qui a posté un déjeuner fruité. Mm-hmm. Plein de fruits sur son plateau des petits-déjeuners. C'est bien ça. Un petit-déjeuner égale une croisière, peut-être en fin de semaine pour vous, pour deux personnes. Donc on se dépêche, 16 jusqu'à 8. Ouh là là, c'est dur ça, jusqu'à 8 heures. Voilà. À tout de suite. Pas plus sûr. Dans les banlieues dortoirs, c'est l'heure où les honnards descendent sur la ville. Qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings? Qui met le feu au building? C'est toujours les honnards. Alors, c'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Des gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Mais quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard quand on arrive en ville. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre quand on arrive en ville. Quand la ville souterraine est plongée dans le noir, ressort sur des brancards, on agit sans mobile. Allez, on se dépêche. On se dépêche. On se dépêche sur la page. Vous Facebook avez jusqu'à 8 heures. Là, c'est bon. C'est important, on se dépêche. Damien Loretta, quand on arrive en ville sur Première, les unes de la presse, à 6h51, édition spéciale du quotidien, aujourd'hui avec un beau paille-en-queue en photo, en une, Cécile. Un vrai paille-en-queue, hein, en clin d'œil à celui qui figure sur le titre depuis 40 ans, car c'est l'anniversaire du journal aujourd'hui. Merci à vous, lecteurs, annonceurs, dépositaires et collaborateurs, peut-on lire en une, 40 ans d'indépendance, une force pour la Réunion. C'est donc une édition spéciale et gratuite. À lire à l'intérieur, le premier quotidien, celui du 13 septembre 1976, à 1,20 franc, en une, à Paris, la reddition des pirates, des croates en Afrique du Sud, la tournée d'Henry Kissinger en Afrique australe, le suffrage universel en Espagne qui ferme la porte au franquisme, et puis le roi Pelé contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Le journal de Lille est sentimental, il vous offre une nuit magique. Une nuit magique au volcan, avec de magnifiques photos de l'éruption en cours au Piton de la Fournaise. Autre titre, primaire à droite, comment ça marche ? Contrat aidé, enquête sur du marchandage de main-d'œuvre. Et puis en football, en Ligue des Champions, PSG, Arsenal, Paris attendu au tournant, écrit le GIR. Dans la presse nationale, le grand dialogue en une d'aujourd'hui en France. Dans un livre à paraître demain, Michel Serfati, rabbin, Michel Dubost, évêque, et Khalil Meroun, imam, livre un plaidoyer contre le repli communautaire. Autre titre, Alstom devient une affaire d'État. À Calais, le plan Cazeneuve pour répartir les migrants, c'est en une du Figaro. Le Figaro a eu connaissance des consignes envoyées au préfet pour répartir les personnes évacuées. 12 000 places devront être créées à travers la France d'ici la fin de l'année. Autre titre, guerre en Syrie, après l'accord russo-américain, les clés pour comprendre la situation sur le terrain. Hillary Clinton en une de Libération. La maison flanche, titre Libé, les déclarations troubles sur son état de santé risquent de coûter cher à la candidate démocrate. Autre titre, rendez-vous à la case déradicalisation, et cette question, comment faire plier Alstom qui veut cesser certaines activités sur le site de Belfort. Pas facile ça, déradicalisation. Alstom en une du journal Le Monde. Hollande redoute un nouveau florange. Une réunion d'urgence s'est tenue à l'Elysée après l'annonce par Alstom de l'arrêt de la production de locomotives à Belfort. Autre titre, reportage, Nice, grande blessée. Deux mois après l'attentat du 14 juillet, la ville peine à se relever. Le chef du service de psychiatrie du CHU alerte sur la santé des enfants nîmois. Et du football en une de l'équipe. Sous le feu d'Arsenal, Ligue des Champions, Paris Saint-Germain-Arsenal, c'est ce soir. Paris qui a un an pour convaincre, mais là c'est pas du foot, c'est pour l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Pendant ce temps, les Jeux de Rio ne sont pas finis. Les athlètes paralympiques s'affrontent en ce moment. Ben, on espère que Paris convaincra. Pour 2024 Oui. C'est à suivre. On le souhaite. Merci Cécile, à tout à l'heure. Grand matin, l'appel réveil. Cinquième saison. L'amour, les doux. Eh oui, vous serez et certainement devant votre poste de télévision ce jeudi soir. Parce que Nora Lamour, les doux, ça y est, il recommence enfin. Alors, Isabelle, enfin. Ses yeux pétillent déjà d'avance. Bah oui, c'est normal, on parle d'amour au télé. Ah bah oui, l'amour, les doux. Alors pour tous ceux qui aiment l'amour, vous êtes nombreux. Eh bien, vous pourrez regarder jeudi cette nouvelle saison avec un nouveau couple, des nouveaux couples, parce qu'il y en aura plusieurs forcément tout au long de la saison. Et qui est la meilleure maîtresse de cérémonie pour présenter l'amour? C'est Rokhaya au télé. Nous accueillons Rokhaya. Bonjour Rokhaya. Bonjour Isabelle, bonjour Michael, bonjour tout le monde. Ça va bien? Pas trop. Oui. Réveillé. Nous la réveillons. Non, c'est moi réveillée, t'es banane. Bon, c'est bien. Alors, Rokhaya, les fondamentaux, ils changent pas. Cette coupe qui vont nous faire partager le plus beau jour de leur vie. Absolument, ça change pas. Ils sont 7, un petit peu partout dans l'île. On assiste aux préparatifs. Ils nous racontent leur rencontre. Et puis, évidemment, on fait partie de la fête. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'ils acceptent en général de participer à l'émission? Généralement, The Moon, ça c'est un événement les familial et dans le cercle intime. Qu'est-ce qui pousse le bon couple que vous l'avez choisi là à participer et à montrer à Zotte dans la télévision, Rokhaya? Ok, ça c'est une bonne question, on m'y connaît pas. C'est ça. Il y en a qui le font. Non, franchement, parce que c'est vrai qu'à la clé, il y a quand même des voyages à gagner. Ouais. Mais c'est vrai que la plupart, si ce n'est quasiment tous les couples participent. Je pense pour partager ce bonheur. Parce que nous arrive vraiment la dernière semaine. Isabelle nous prend un petit peu le stress de notre préparatif, mais nous prend surtout le bonheur que les dans l'air ambiant, les avec tout le monde. Et moi, j'ai l'impression que ça avait tellement ces autres nuages que voilà, où l'envie de dire la terre entière, regarde comment moi elle est content, comment elle est heureux, regarde moi trouve l'amour, moi elle est mal à sobat par moment, et voilà. Mais je pense que c'est ça, mais pour qui faudra vraiment demander de Et bon, on verra ça. L'amour, c'est pas nouveau, mais il peut y avoir du renouveau. Alors, dans la cinquième saison de L'amour, les doux, est-ce qu'il y a des nouveautés, justement? Il y a des nouveautés, par exemple, en termes de lieux géographiques. On a, pour la première fois, on a un mariage à Salazie, dans le cirque de Salazie. Un petit couple mignon comme tout, des petits jeunes. Des jeunes qui vivent en métropole. Alors, je vais pas trop en dire. On va découvrir ça à la télé. Donc, effectivement, pour la première fois, on a été dans le cirque de Salazie. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tous les couples, tous les mariages, sont nouveaux. Chaque histoire est nouvelle, unique, et chaque histoire est belle, comme à chaque fois. On a encore rendez-vous, j'ai envie de vous dire, avec la féerie, avec l'émotion, avec aussi quelques petites larmes. Bref, c'est mignon. On a un rendez-vous avec des nuages encore. Beaux nuages, tout blancs. Et si vous voulez connaître les premières indiscrétions de la première émission de jeudi, vous allez sur la page Facebook. L'amour les doux. Voilà. Cette page qui compte des milliers de fans déjà, en Rokhaya. Ça marche bien. 24 682. C'est très suivi. C'est vrai que les gens. C'est vrai qu'avant, on faisait deux saisons par an. Et c'est vrai que depuis l'année dernière, on n'en fait plus qu'une. Alors les gens sont un petit peu surpris en disant ça fait encore, il existe encore. Oui, il existe encore. Donc j'espère sincèrement qu'ils seront ravis de retrouver l'émission, de suivre ces couples-là qui sont adorables. On n'en doute pas. L'amour les deux en prime time, jeudi. Merci Rokhaya. Salut Rokhaya. Merci à vous. Allez, au revoir, bye bye. Bye bye. Première. Le cheval est à l'honneur à Toulouse aujourd'hui pour le tiercé écarté quinté plus. Eh oui, Mickaël, ce sera le prix de la Fédération Ouest, 14 partants, 2950 mètres à parcourir, 5 100 000 euros dans la tirelire. Pascal Maillot vous conseille le 3, on ne rigole pas. L'As, le 2, le 10, un peu de ketchup, le 12, Florent. Le 13, le 8 et le 9. On ne moucade pas. Le 3, l'As, le 2, le 10, le 12, le 13, le 8 et le 9. Et Théolé, le numéro 4 en cas de non-partant. Les pronostics du fouineur du GIR partenaire Réunion Première, le 10, le 3, le 8, l'As, le 9, le 13, le 12 et le 2. 10, 3, 8, As, 9, 13, 12 et 2. Et n'oubliez pas pour que le jeu reste un plaisir. Jouons bon. Responsable. Allez, on va sur les routes avec Yves qui est à Saint-Pierre. Oui, à Saint-Pierre, en centre-ville, avec une autre tranche du TCSP qui est en travaux jusqu'à la fin de cette année. C'est entre la rue de la Cayenne et la rue Lorion. Donc, ce tronçon est interdit dans le sens ouest-est. Déviation obligatoire. Alors, ça, c'est encore un tronçon où il n'y a pas trop de problèmes. Ce sera le prochain pour aller jusqu'à la gare routière. Donc, l'année prochaine, c'est un peu plus difficile. Attention, route mouillée. L'essai s'est arrêté de pleuvoir, mais le vent souffle bien en ce moment. Attention à être vigilant sur l'ensemble des quatre voies sur cette partie sud, au sud de Saint-Leu. Et côté est également, parce qu'il pleut bien en ce moment sur Sainte-Suzanne, la Marine, Sainte-Marie. Attention, restez vigilants également dans l'Est. Un trafic ralenti depuis Petit Bazar en ce moment, hein, donc ça ne désemplit pas là-bas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, le centre-ville est compliqué à traverser, notamment vers le secteur du Bocage, puisqu'il y a le marché. Circulation donc à l'entrée Est elle-même, une fois passé les échangeurs de Sainte-Marie, c'est encore à peu près roulant. Les deux tranchées et le pont Vinsan sont encombrés. Ça coince vers Ravinajac, c'est-à-dire un kilomètre après la Grande Chaloupe sur la route du littoral, et toujours à hauteur de l'échangeur de Plateau Caillou, si vous êtes sur la fin de la route des Tamarins, sachant qu'entre Grandfond et Boucan, le trafic est plutôt roulant. Il y aura des travaux tout à l'heure au niveau du cap Laoussé, on en reparlera tout à l'heure. Rendez-vous justement après le journal. Yves, il est 7h sur la première. Et le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. C'est une première réponse à la crise du logement social à Saint-Denis. Des immeubles de la SHLMR ont été inaugurés hier entre le Barachois et la gare routière au niveau du centre-ville. 99 logements sont disponibles, même si certains ont déjà été attribués. Nous avons assisté à la remise des clés. La grippe de retour à La Réunion, une deuxième vague épidémique après le pic de juillet. Selon l'ARS, le nombre de consultations est en hausse chez les médecins sentinelles. Dans l'île, depuis le début de l'année, 17 personnes sont mortes des suites de la maladie. Le spectacle continue au volcan. Le Piton de la Fournaise en est à son troisième jour d'éruption. Les fontaines de lave sont toujours visibles du pas de Bellecombe, mais il y a mieux et plus cher pour les observer, l'hélicoptère. Et puis c'est parti pour le Rallye Jeune 2016. Les présélections démarrent et objectif, le championnat du monde des rallyes. Il aura fallu 19 millions d'euros et 3 ans de travaux pour les voir sortir de terre. Deux nouveaux immeubles ont été inaugurés hier à Saint-Denis. Ils se situent entre le Barachois et la gare routière au niveau du centre-ville. 8 commerces et 99 logements composent ce groupe d'habitation de la SHLMR. Une excellente nouvelle pour ceux qui attendent un logement. Déjà, 10 familles présentes hier ont officiellement reçu les clés de leurs appartements. Mélodie Nourry était sur place. Voilà vos clés, madame, et bon épanouissement. Le geste est symbolique, mais n'a rien d'anecdotique pour les tout nouveaux locataires de l'îlot Océan A2, car il marque le début de leur nouvelle vie. L'Ismé a obtenu un T3, sa joie est immense. Je suis très contente, pour ma fille surtout. Elle voulait avoir une chambre comme toutes les enfants de son âge. Voilà, on est sur un nuage, toutes les deux. On a une belle vue sur la mer. Quoi demander de plus? Maman célibataire, la jeune femme attendait un logement décent depuis 4 ans. Dans le précédent, sa fille Audrey dormait sur le canapé du salon. Nafissa, quant à elle, a mis un an de moins pour voir sa demande accordée. J'habitais dans un petit appartement plein d'infiltrations. Donc là, pour les enfants, meilleur cadre de vie. Et puis la proximité de la ville, l'école, tout est à côté. Et tout a été fait pour que ce soit un lieu où il fait bon vivre. Nicolas Grouard est l'architecte. On a construit des logements traversants, ouverts au paysage. On a essayé de limiter la densité, même avec 99 logements. On a réparti ces logements autour de 4 cages. On a créé des espaces de respiration dissociés quand on déambule dans le bâtiment. À La Réunion, seules 6 communes sur 24 respectent le quota de logements sociaux obligatoires, un taux de 25% imposé par la loi de solidarité et de renouvellement urbain. Saint-Denis se hisse à la deuxième place.

un acte symbolique que reproduisent depuis les fidèles lorsque vient la fin du Hajj. Il y a le sacrifice en premier, après on fait un petit peu toutes les maisons, tout le monde ensemble, et puis le repas familial. Et chez nous, la fête dure 3 jours en fait. 3 jours qui doivent être dédiés à la spiritualité, au don de soi et à l'aide aux plus pauvres. Parmi les messages passés par l'imam Omarji, il y avait aussi le rappel du respect d'une certaine éthique, notamment vis-à-vis des éleveurs bovins très sollicités en cette période. Comme le prophète Mahomet était appelé l'honnête, Al-Amin, il se trouve que cet enseignement-là a été un peu délaissé de nos jours par les confrères musulmans et il arrive que justement il y ait des plaintes par rapport aux transactions. Donc j'ai rappelé que la transaction aussi doit être soumise aux lois de Dieu, c'est-à-dire que l'honnêteté est primordiale. L'imam qui a aussi invité les fidèles à ne pas désacraliser le sacrifice rituel en refusant toute exhibition de cet acte sur les réseaux sociaux. Allez, on passe au sport. C'est parti pour le Rallye Jeunes 2016, une compétition réservée aux 18-25 ans. Pour être sélectionné, il faudra passer par le simulateur virtuel de Simrace à Saint-André ou directement sur le circuit de la Jamaïque en conditions réelles le 2 octobre. 4 candidats pourront participer à la finale nationale à Nîmes. Une belle opportunité pour les jeunes réunionnais, selon Jean-Pierre Olivier, le président de la Ligue du sport automobile. Bien entendu, la fédération a un plan d'action pour le meilleur ou les deux meilleurs. Sur 2017, c'est d'abord accessibilité au championnat de France des rallyes. Et en 2018, carrément un plan championnat du monde des rallyes, ce qui n'est pas rien. Je rappelle que c'est la route qui a été tracée par Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Éric Camilli cette année. Il y a eu entre-temps Nicolas Bernardi. On a des exemples à citer, des gens qui étaient tristement inconnus, qui sont devenus champions du monde. Donc on peut rêver, rêvons, mais nous ne sommes pas loin de la réalité. Jean-Pierre Olivier, président de la Ligue du sport automobile, à la Réunion, interrogé par Johan Adamadorassi, finale régionale le 23 octobre prochain. C'est la fin de ce journal. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Et on parle ce matin, Édouard Marguier, des suites de cet attentat avorté en France. Inès, Amel, Sarah et le compagnon de Sarah, Mohamed, un homme donc et 3 femmes avaient l'intention de commettre un attentat dans une ou plusieurs gares à Paris et en Île-de-France. Tous les 4 sont en prison depuis hier soir en détention provisoire et mis en examen pour terrorisme. Les 3 femmes en question feraient partie du fameux commando féminin arrêté après l'attentat déjoué à Paris il y a 10 jours. Un autre mis en examen pour terrorisme ce lundi, il s'agit d'un adolescent de 15 ans qui lui aussi est inculpé pour avoir projeté de faire un attentat dans la capitale. Lui aussi est écroué. Toutes ces personnes ont un point commun. Elles pourraient être en lien avec Rachid Kassim, un djihadiste français en Syrie et qui aurait inspiré les attaques de Magnanville et de Saint-Étienne-du-Rouvray. Terrible agression dans l'enceinte d'un lycée à Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Une fille de 15 ans, élève de première, a été poignardée par un de ses camarades. Elle est à l'hôpital cette nuit dans un état grave. Son pronostic vital est fortement engagé. Le jeune homme a été placé en garde à vue et il est interrogé en ce moment pour connaître ses motivations. Le ministère de la Justice salue le sang-froid des surveillants de la prison de Vivonne, près de Poitiers. Ils ont fait face à une mutinerie ce lundi soir. Des détenus du 2e étage ont réussi à voler les clés d'un des gardiens pour sortir de leur cellule et mettre le feu au bâtiment. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour rétablir le calme. Au bout de 2 heures, les détenus auteurs de la mutinerie ont été placés en garde à vue. Cette mutinerie est un élément de plus qui s'ajoute à la colère de l'administration pénitentiaire. En plus de l'agression de 2 surveillants à la maison d'arrêt d'Oni, en plus de la surpopulation, les syndicats ont été reçus par le garde des Sceaux qui a promis des mesures le week-end dernier, notamment dans les unités dédiées aux détenus radicalisés. Patricia Cahuzac confirme l'inimaginable. La femme de Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget, jugé pour fraude fiscale et blanchiment, pour avoir eu un compte en Suisse. Non seulement elle confirme, mais en plus elle a raconté ce lundi à la barre du tribunal correctionnel de Paris qu'elle était consciente de l'illégalité des pratiques qui ont duré 20 ans et qui ont permis d'amasser 2,5 millions d'euros d'avoir. Il y a d'abord eu le message sur Twitter d'Hillary Clinton « Je vais mieux, je me sens bien », puis le coup de téléphone à CNN pour expliquer un vertige. Selon la candidate démocrate à la Maison-Blanche, elle ne s'est pas évanouie lors des cérémonies du 11 septembre, mais elle a simplement perdu l'équilibre pendant 1 minute. Selon son équipe, elle est soignée pour une pneumonie et elle reprendra la campagne cette semaine. Les Jeux paralympiques à Rio et une troisième médaille d'or pour la France. Hier, Marie-Amélie Le Fur l'a remportée sur le 400 mètres avec à la clé un nouveau record du monde. C'est sa deuxième médaille d'or après avoir remporté l'épreuve de saut en longueur à Rio. Ça fait donc 11 podiums pour la délégation française. La France est 18e au classement des médailles. 7h13 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Dur de voir le soleil ce matin, Michael. Oui, peut-être sur les plages de l'ouest, on peut encore l'apercevoir. Ailleurs, c'est beaucoup de nuages, des averses, notamment sur Saint-Pierre, l'étang Salé ou encore à région de Saint-Philippe où il pleut bien. Ça pleut dans l'est aussi avec du vent qui se met à souffler sur Saint-Pierre et de l'autre côté, sur toute la façade est et vers Sainte-Marie. À compter 60 à 70 km/h cet après-midi avec le retour peut-être d'éclaircies. Ça, c'est la bonne nouvelle. Des éclaircies qui devraient venir notamment aussi au piton de la Fournaise, histoire de mieux voir l'éruption. En tout cas, il vaut mieux y aller cet après-midi que ce matin. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. On fait un point trafic tout de suite. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Vous êtes à Terre Rouge, Yves. Pas vous envoyer donc oui au volcan en ce moment, parce que ça va être de brouillard et la pluie qui doit tomber, ça doit être presque des glaçons là-haut, hein, donc avec un ressenti avec le vent, donc glacial. Voilà, donc ça sert à rien. Circulation, attention avec un véhicule arrêté sous la tranchée couverte de Saint-Paul. Ça se passe dans le sens sud-nord, bien entendu, en direction de Saint-Denis, et le véhicule est arrêté en voie de gauche. La patrouille n'est pas arrivée encore. Elle s'était occupée du véhicule qui a été dépanné de l'autre côté, vers l'éperon. Donc là, elle redescend vers cette voiture, mal placée forcément. Attention à cette contrainte, parce que là, on n'a pas trop de possibilités d'amener la voiture. Il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence sur cette partie à trois voies descendant vers Belmen. Donc, bouchée toujours à hauteur des changeurs de Patoucaillou. Assez peu de changements. Ça coince, par contre, entre Grandfond et Boucan. Attention ici, je reviens dans le sud avec des difficultés au niveau de Mont-Caprice, avec la chaussée mouillée, des ralentissements se font sentir avant la courbe de Mont-Caprice pour redescendre vers les casernes, en espérant que tout se passe bien. Utiliser le frein moteur, comme je vous le disais, donc contrôle, tout en contrôle, donc pour vous qui circulez sur la partie sud, même s'il s'est arrêté de pleuvoir, hein, donc ça fait un moment que j'ai pas été mouillé sur la région de Saint-Pierre, après avoir traversé Terre Sainte, quelques ralentissements, des tronçons de l'avenue François Mitterrand. Attention, grosse trace de carburant au niveau des deux ronds-points à hauteur de l'hôpital de Terre Rouge, donc l'hôpital de CHU. Faites attention à ce niveau. Et puis un trafic est en train de se densifier sur la déviation nord-est de Saint-Pierre. Bon courage, ça coince toujours avant Sainte-Marie et surtout jusqu'à Duparc en ce moment. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. À suivre l'invité de Grand Matin, Jean Lacadet, conseiller régional d'Europe Écologie Les Verts. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du festival Kalougang au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouve en concert Morgan Héritage. Kalash. Kiltir. Bitova au bass. Toute la programmation, les infos pratiques et les infos billetteries sont sur kalougang.re. Écoutez Thierry, allons à la plage avec nous demain. Ah désolé, je ne peux pas, je dois aller à la CGSS pour aller récupérer mon attestation de carte vitale. Pas besoin de te déplacer, crée ton compte Amélie et utilise leur service sur amélie.fr. Tu peux imprimer ton attestation de droit, contacter l'assurance maladie par mail, demander ta carte européenne et même télécharger l'appli Amélie. Facile, pratique, plus d'excuses, nous t'en a où. Pensez au compte Amélie, votre espace personnel qui vous rend bien des services. L'assurance maladie. Première. 7h17 sur une première, c'est l'heure de l'invité de Grand Matin avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Interview à suivre sur internet réunion.lapremière.fr. Jean-Alain Cadet est votre invité ce matin. Jean-Alain Cadet en direct avec nous par téléphone car coincé dans les embouteillages dionysiens. Bonjour Jean-Alain Cadet. Bonjour. On parle beaucoup de la primaire à gauche, de celle à droite, mais il y a aussi une primaire dans votre parti, alors ça ne fait pas beaucoup de bruit. Comment vous vivez ce peu d'intérêt suscité par la campagne écolo ? Ah, ça ne fait pas beaucoup de bruit parce que ça vient de se décider il n'y a pas très longtemps, effectivement, mais je pense que la campagne écolo, elle, elle va démarrer comme toutes les autres campagnes. Alors peut-être que les médias se focalisent sur entre guillemets les ténors de la droite actuellement, mais c'est un tort puisque au lieu de la campagne écolo, la différence c'est que ce ne sont pas des combats d'ego, mais on va dire une mise en perspective surtout du projet pour une élection extrêmement importante pour la France. Il n'y a pas de combat. Je vous coupe. Il n'y a pas de combat d'ego chez les Verts au niveau national, en tout cas. Non, c'est d'abord l'écologie qui prime. Et effectivement, quel que soit le candidat ou la candidate, puisque il y a trois femmes et un homme qui se sont positionnés pour être à la primaire. Donc Cécile Duflot, Michel Rivasi, Karima Deli et Yannick Jadot. Et ce sont des gens qui, de toute façon, s'entendent très bien. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le candidat qui sera choisi, le candidat ou la candidate, il sera soutenu par tout le monde. Et d'ailleurs, je rappelle que chez les écolos, il suffit de s'inscrire pour participer à la primaire à partir du 1er octobre. Et c'est ouvert également aux gens qui ont 16 ans, qui auront 16 ans révolus au 1er octobre. Donc, c'est-à-dire que les jeunes sont invités, peuvent participer à cette primaire. Mais des jeunes qui ne pourront pas voter lors de l'élection présidentielle. Voilà. Mais c'est déjà intéressant pour eux, pour pouvoir, on va dire, peser sur le débat, puisque sur le site internet, ensuite, toutes les personnes qui vont voter pour la primaire peuvent apporter leurs idées pour le programme. Et c'est ça qui va être intéressant, puisque chez nous, bien, c'est à partir de cette base-là que le programme sera créé, c'est-à-dire que la population peut vraiment participer. Premier tour le 19 octobre, second le 6 novembre. Alors il y a une autre différence, c'est 5 euros pour participer au lieu de 2 euros à gauche et à droite. C'est pas un peu cher ? Bah, écoutez, selon les moyens des partis, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne va pas coûter 2 euros ni à gauche ni à droite. On sait très bien qu'il y a un certain coût pour l'organisation. Et donc, ce coût a été fait pour ça. Et effectivement, je ne pense pas que c'est assez anecdotique, à mon avis, de dire 2 euros, 5 euros. L'essentiel, c'est que la majorité des Français puisse, en tout cas, se positionner et donner son avis et surtout choisir le meilleur ou la meilleure candidate chez nous pour représenter l'écologie. Encore une fois, c'est ça qui est le plus important. Alors, je redonne les quatre candidats qui sont sur la ligne de départ. Vous l'avez dit, la députée de Paris, Cécile Duflot, et puis trois élus européens, Karima Deli, Yannick Jadot et Michel Rivasi, une autre femme. Donc, trois femmes et un homme. La plus connue, c'est Cécile Duflot, mais pour être battue par Yannick Jadot, vous l'envisagez, ce cas de figure ? Écoutez, s'il y a une primaire, il faut accepter les règles. Je pense que les quatre candidats ont accepté les règles. Donc, il n'y a pas, c'est pas tellement les personnes qui seront battues, c'est l'écologie qui va gagner, quel que soit le candidat. C'est ça l'intérêt. Et vous dites qu'ils s'entendent tous bien, et pourtant, les 500 parrainages d'élus. Alors, on accueille Jean-Alain Cadet qui nous rejoint en studio. Je vous redis bonjour en direct dans ce studio. Merci de nous avoir rejoints. Vous dites qu'ils s'entendent tous bien, mais il y a des accusations, enfin, des accusations, le mot est peut-être un peu fort, mais Cécile Duflot, en tout cas, et Yannick Jadot disent l'un de l'autre qu'aucun des deux ne réussira à obtenir les 500 parrainages nécessaires. Il faut 500 parrainages d'élus, une fois le candidat désigné, pour prétendre à l'Élysée. Est-ce que le candidat ELV aura ses 500 parrainages ? Écoutez, je crois que ça, c'est depuis la dernière élection, nous avons eu nos parrainages, l'élection d'avant, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Si on regarde à droite, entre, par exemple, Nicolas Sarkozy et François Fillon, les pics sont quand même très très durs entre ces gens qui sont ensemble, qui ont été au même gouvernement. Donc, je pense que là, au niveau des écolos, effectivement, il faut toujours des personnalités. Chacun a son caractère, sa personnalité. Mais l'essentiel, c'est vraiment de proposer un projet, d'écouter la population française et de pouvoir récolter. Parce que l'écologie, on va dire, pour la société française, maintenant, prend toute sa mesure. Donc, sur les quatre candidats qui concourent à cette primaire d'Europe Écologie Les Verts, donc je redonne les noms, Cécile Duflot, Karima Deli, Yannick Jadot, Michel Rivasi, vous, Qui vous soutenez, Jean-Alain Cadet ? Alors, moi, je ne vais pas vous dire je soutiens un tel ou un tel, parce que l'intérêt, ce n'est pas ça. L'intérêt, c'est le débat. Et effectivement, moi, je les connais tous, personnellement, puisque j'étais conseiller fédéral pendant quelques années. Vous n'avez pas apporté votre soutien à l'un ou à l'autre ? Est-ce que des réunionnais d'Europe Écologie Les Verts ont été amenés à soutenir tel ou tel candidat ? Oui, parce que, enfin, au départ, il faut un certain nombre de signatures de conseillers fédéraux. Donc, bon, je pense que les conseillers fédéraux de la Réunion ont soutenu. C'est un soutien tout à fait logique. À qui sont allés les soutiens? Alors, je ne sais pas, parce que c'est pas très important. L'essentiel, c'est que il y ait des candidats qui puissent se présenter devant le suffrage. Et d'abord des adhérents, et là, la primaire est ouverte à l'ensemble de la population. Encore une fois, je le dis, c'est aussi à des jeunes de moins de 16 ans, ce qui est quand même assez rare, ce qui n'existe pas au niveau des autres partis. Alors, dans les sondages, la gauche est donnée absente au second tour de la présidentielle. Qu'est-ce qui vous fait croire aux chances des Verts, vu le contexte? Bah, d'abord, je pense que les sondages, on le sait, peuvent tout à fait faire mentir. Donc, il faut pas que les gens, déjà, à quasiment 7 mois, 8 mois des élections, se mettent dans la tête que les choses sont faites. Il faut que la gauche se ressaisisse, la gauche s'unisse. Et il y a une pluralité à gauche. Y compris d'abord, avec les soutiens de François Hollande? Mais l'essentiel, si vous voulez, pour chaque parti aujourd'hui, c'est d'essayer de proposer un projet à la France, parce que ça va être une séquence extrêmement importante. Évidemment, on sait très bien que le pays, on le voit avec à chaque présidentielle, c'est une élection qui est majeure pour le pays. Donc, d'abord, c'est le projet qui compte. Et mais c'est vrai est-ce que ce projet peut être porté par des gens qui ont soutenu François Hollande ces 5 dernières années? La question est claire. Concrètement, pour les législatives à La Réunion, est-ce qu'il y aura des candidats Europe Écologie Les Verts dans les 7 circonscriptions, est-ce qu'ils peuvent soutenir des députés PS sortants? Si vous voulez, dans un premier temps, d'abord, les écologistes, ce que nous voyons, c'est comment notre projet, nos idées peuvent être portées par la société. Si c'est porté, si c'est relayé par d'autres, pourquoi pas? Mais si ça ne l'est pas, nous évidemment, nous sommes toujours présents, nous avons toujours été présents à toutes les élections. Après, évidemment, il y a des accords qui vont devoir se mener. Avec qui? Mais avec des candidats qui sont à l'écoute et qui prennent en compte nos idées. Si c'est pour faire de l'écologie à une deuxième vitesse, ce n'est pas l'intérêt. Est-ce que ça a été le cas pendant le mandat de François Hollande? Est-ce que l'écologie était reléguée au second plan? Je crois que nous l'avons dit à plusieurs reprises. Il y a eu beaucoup de déceptions, notamment Cécile Duflot qui était au gouvernement et Pascal Canfin l'ont quitté parce que le projet, les promesses de 2012 n'ont pas été suivi des faits, et donc après il y a eu effectivement d'autres écologistes qui sont rentrés au gouvernement, mais aujourd'hui on sent bien qu'il y a quand même un manque sur ce plan-là depuis des promesses 2012. Donc maintenant je ne sais pas ce que va proposer François Hollande, personne ne le sait aujourd'hui, est-ce qu'il va participer à la primaire, etc. Mais le problème n'est pas le nôtre aujourd'hui. Le nôtre, nous avons 4 candidats qui sont des écolos qui vont proposer un projet écologiste aux Français. Ensuite, l'écologie ne peut pas être un gadget, ne peut pas être quelque chose de secondaire, et c'est ça qui est le plus important. À La Réunion, on sait très bien qu'il y a des enjeux extrêmement importants, notamment, alors, si vous me donnez l'occasion de dire qu'il y a le problème des carrières. Par exemple, actuellement, il y a une enquête publique et moi, je renvoie les Réunionnais. Et vous y avez participé à cette enquête publique? Bien sûr, je compte et je lance un appel pour dire que les carrières, la carrière de Bois-Blanc notamment, mais les carrières également sur Saint-André, les projets qui sont prévus de carrière, ce n'est pas bon pour l'environnement, ce n'est pas bon pour notre sécurité, pour notre santé, ce n'est vraiment pas bon pour l'île de La Réunion et il faut trouver d'autres solutions. Ceux qui ont mis des projets pharaoniques en place, c'est à eux de trouver des solutions et non de venir faire des trous béants dans l'espace naturel et sensible de La Réunion pour pénaliser la population pendant plusieurs temps. Donc il faut que les gens aillent aux avirons, à l'étang salé et à Saint-Leu pour effectivement dire leur opposition à la carrière. Un autre sujet, et je viens de le regarder hier soir encore, vous savez, on a parlé d'incinération. Pour les déchets. La région a décidé en juin dernier de construire des UVE, unités de valorisation énergétique, en réalité, le président de région a menti aux Réunionnais. Monsieur Virapoulé également, puisque dans leur campagne, ils ont dit il n'y aura pas d'incinérateur, et ça a été voté au mois de juin. L'incinération, elle va avoir lieu à La Réunion, et ces gens vont porter cette responsabilité. Mais juste un petit chiffre, je crois que c'est dans les Flandres, les élus se sont fait justement avoir comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont été séduits par, voilà, on va mettre une unité de valorisation énergétique. En réalité, alors un chiffre, la tonne de traitement de déchets était à 76,50 € avant l'incinération, elle est passée à 125 € avec l'incinération. Donc il ne faut pas faire croire aux gens que ça va être la solution miracle. Non, la solution miracle, c'est peut-être probablement ce que nous prenons, nous écologistes, c'est-à-dire la réutilisation, le recyclage des déchets, c'est ça qui est le plus important, et en plus ça crée de l'emploi. Donc voilà, ce sont des erreurs, les élus aujourd'hui des Flandres notamment regrettent largement leur choix. Jean-Alain Cadet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et bonne vous. Journée. Une interview que vous pourrez retrouver à 13h30 chez Lucas dans Tous en Première. Jean-Alain Cadet, conseiller régional d'Europe Écologie Les Verts. 7h28 dans toute la Réunion. On va faire un point sur le trafic, Isabelle. Eh oui, dans un instant avec Yves Grier pour savoir comment ça se passe et notamment de ce véhicule qui est arrêté sous la tranchée couverte de Saint-Paul dans le sens sud-nord. Et juste après, Cécile Thomas nous rejoint pour toute l'actualité de ce mardi 13 septembre à la Réunion. Allez, on file sur la route. Yves, que la fin arrive, Manapani-les-Bas. Oui, et attention, puisque le bouchon démarre à hauteur de Manapani-les-Bas pour rejoindre le giratoire de Grand-Anse, la croisée de Petite-Île, le giratoire Chemin de la Guerre, tout ça c'est plein, avec également beaucoup d'automobilistes qui sont sur le chemin neuf et la route de Grand-Anse pour arriver justement à ce rond-point, donc un bouchon sur près d'un kilomètre avant d'arriver également sur ce rond-point. Attention, nous a été signalé, alors moi je l'ai pas vu parce que c'était dans l'autre sens, mais une poubelle qui serait sur la partie gauche de la déviation de Grand-Bois en direction de Saint-Pierre. Attention à cet objet encombrant qui pourrait vous faire faire peut-être qu'un écart. Circulation qui reste difficile sur la déviation nord-est de Saint-Pierre qui est en train de se remplir notamment vers Bassin-Plat avant de rejoindre le boulevard Banque. Ça coince toujours la descente du tampon en ce moment. Attention sur ces glissantes, restez vigilants à hauteur et avant Mont Caprice. Pour la partie ouest, on a ce véhicule qui était en panne sur la voie de gauche. Alors il va être dépanné parce que le dépanneur vient d'arriver sous la tranchée couverte de Plateau Caillou en direction de Belmaine. Donc pour redescendre vers le viaduc, le bouchon est toujours d'ailleurs à l'échangeur de Plateau Caillou. Par contre sur la route littorale, attention, ça croise depuis la mairie de la Possession, des ralentissements plus ou moins marqués selon les tronçons. Pont-Vincennes chargé de moitié, ça coince toujours sur les tranchées du boulevard sud et toute l'entrée est encombrée en provenance d'un secteur bien humide. Il pleut toujours sur Saint-Benoît. Restez prudents ce matin. Et on vous souhaite bien du courage dans les embouteillages. 7h30 sur la Première. C'est l'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Des assurances scolaires contre le harcèlement et le racket, ça existe. Les compagnies s'adaptent. Elles ont même prévu de soutenir les élèves en cas de réputation entachée sur les réseaux sociaux. Explication dans ce journal. Gare à la grippe, le virus est au stade épidémique. L'Agence régionale de santé préconise le vaccin pour les personnes les plus vulnérables. Nous entendrons les trucs de Daniel qui se soigne avec des tisanes pays. 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis pour un habitant de Brapanon vendredi dernier. Il avait incendié la maison de ses voisins pour un regard de travers. Et puis les sélections pour le rallye jeune ont débuté. Si vous rêvez d'une carrière à la Sébastien Loeb, restez avec nous, vous saurez comment participer à la fin de ce journal. On commence avec ce chiffre. En France, environ 11% des enfants au collège ou au lycée seraient victimes d'humiliations verbales ou physiques. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais ce qui change, c'est que les assurances s'y intéressent. Elles proposent une protection contre le racket, le harcèlement et une protection spéciale pour la réputation sur les réseaux sociaux. Les précisions de Mélodie Nourry. Inclure les problèmes de violence scolaire dans les garanties d'un contrat, c'est un phénomène plutôt récent chez les assureurs. Depuis l'année dernière, ils ont compris qu'il fallait aussi s'intéresser aux atteintes morales causées par ces brutalités. Ainsi, la plupart d'entre eux ont rajouté des garanties soutien psychologique à leur contrat. Le leader dans le secteur est même allé plus loin. Après avoir inscrit dans son contrat de base à la rentrée 2015 une garantie de soutien psychologique en cas d'agression, de racket, de harcèlement ou de cyberharcèlement, ainsi qu'un service d'information

faire quelque chose de réaliste et puis de satisfaisante pour les Maoris. D'autant, insiste l'ancien président du Conseil général, que Erika Baredj arrive à un mauvais moment, tant sur le plan national que sur le plan départemental, et dire qu'elle connaît Mayotte et ses difficultés ne suffisent pas. Ce n'est pas suffisant, surtout quand on connaît le contexte économique de la France, quand on connaît aussi le désenchantement des Français par rapport au chef de file des socialistes, du président de la République, qui ne cesse pas de plonger dans l'impopularité parce qu'il est incapable de relever la situation économique de la France. Quand vous savez tout ça, vous ne pouvez pas nourrir un optimisme quelconque à l'égard de ces ministres. Un reportage de nos confrères de Mayotte Première. Le rallye automobile à la côte à La Réunion et le rallye jeune propose de commencer tôt à piloter des voitures de course. L'édition 2016 a démarré, l'heure est aux présélections. L'objectif est de détecter des nouveaux talents, hommes ou femmes, âgés de 18 à 25 ans. Cette année, il y a deux façons d'être présélectionné. Laurent Olivier est le responsable de Drive Racing, une école de pilotage automobile. Et il organise cette manifestation avec la Ligue du sport automobile de La Réunion. Ces jeunes-là pourront donc soit s'essayer en virtuel sur le simulateur à SimRace Saint-André pour essayer d'être parmi les 12 meilleurs sélectionnés. Et on a aussi une date en réel sur le circuit de Jamaïque, le 2 octobre, pour essayer d'être dans les 12 meilleurs. Il faut savoir qu'on va sélectionner 24 meilleurs, donc 12 plus 12, et ces 24-là passeront la finale le 23 octobre au circuit de Jamaïque, sur également des véhicules Ford. Et dans ces 24-là, on va en sortir 4. Et ces 4 meilleurs pilotes viendront avec nous à la finale nationale à l'Aidenon à Nîmes en novembre. À la finale, les 2 meilleurs nationaux auront un contrat en championnat de France des rallyes dès 2017. Et le meilleur challenge aura un contrat en championnat du monde des rallyes. Laurent Olivier, l'un des organisateurs de cette manifestation, interrogé par Johan Adama Dorassi. Les bulletins d'inscription sont disponibles à SimRace, chez les partenaires et dans les concessions Ford. Voilà pour les jeunes qui voudraient se mettre au rallye, évidemment sur circuit. Hein. On fait pas, oui, on fait pas sur les routes, non, quoi. Hein, c'est maman. On a vu. Oui, voilà. Je parle en tant que maman. Merci Cécile. Bonne journée. Bonne journée. C'est 7h39 sur la première. Oh, bah c'est pas un mardi super agréable, hein. Oui, des nuages, du vent, qu'est-ce que j'ai oublié? Du gris, de la pluie. Du gris, de la pluie. Ah bah, de la pluie. Ah bah oui, c'est ça. De la pluie, forcément, sur une grande partie de la Réunion. Mis à part, peut-être, sur les régions de l'ouest et des plages, où là, on a un ciel un petit peu plus dégagé, où on voit un peu plus le bleu que le gris. Partout ailleurs, pour le moment, c'est la soupe à la grimace. Et surtout dans le sud, notamment vers Saint-Philippe et le volcan, où là, on a quand même pas mal d'averses en ce moment. Le vent s'y est mis, je vous l'ai dit, 60-70 km heure entendu en rafale dans le courant de la journée, aussi bien sur la façade sud-ouest que sur de l'autre côté sur la façade nord-est. Température en berne, forcément pour cette journée, hein, à peine 25 degrés sur le chef-lieu. Et 15 degrés au volcan. Je ne sais même pas si on va les atteindre, puisque on est sous les nuages et le brouillard pour le moment au volcan. Mais a priori, on devrait avoir un peu plus de soleil cet après-midi. Ah. Retour du soleil, amélioration sensible des conditions et certainement aussi au volcan. Est-ce qu'on pourra avoir l'éruption? Ça, c'est encore la question. Bon, c'est ça, je voulais que tu donnes un peu d'espoir quand même. Ah oui, l'espoir. Oui, vivre. L'espoir fait vivre. Mais que cet après-midi, quoi. C'est ça. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Vous êtes à Saint-Joseph, Yves. Oui. Avec une braderie qui se déroule, je me l'imaginais depuis le début de la semaine, je suis venu vraiment par hasard ici, donc il y a une braderie au centre-ville, donc bon, c'est pas toujours évident, surtout qu'il y a des travaux au niveau de la rue Maurice, une rue importante du centre-ville, sur la, au-dessus hein, donc de cette rue Raphaël Babé, qui traverse l'agglomération, donc un peu de patience pour traverser à Saint-Jean, alors pas trop ce matin dans le sens que j'emprunte, c'est-à-dire Saint-Pierre vers Saint-Philippe. Par contre, dans l'autre sens, c'est un peu plus difficile si vous arrivez de Langevin, notamment avant de rejoindre le carrefour avec la gare routière et remonter vers le pont de la rivière des Remparts. Soyez patient, il y a de la déviation donc utilisable, en tout cas sur sa partie ouest, la partie ouest de Saint-Joseph. Donc toujours des difficultés de circulation. Je rappelle depuis le secteur Manapani, en tout cas avant la croisée de Petite-Île pour redescendre jusqu'à Le giratoire de Grand Anse, après c'est entre Grand-Bois, la Catherine, jusqu'à Saint-Pierre, donc là quelques difficultés, ça coince toujours dans la descente du tampon. Ça y est, le véhicule a été dégagé hein, sous la tranchée couverte de plateaux cailloux, la circulation se fait douce sur des trois voies de circulation à ce niveau, mais ça reste quand même très chargé à cette hauteur, et notamment la route digue de Saint-Paul. Sur la route du littoral, ça va mieux puisqu'on est repassé de la mairie à hauteur du virage de Ravine à Malheur. Attention à quelques difficultés, on m'a signalé sur la RN 102, c'est entre le boulevard du Chaudron et la route de la rivière des Pluies. J'essaie d'avoir d'autres informations, ça vient juste de tomber au début de cette intervention. Très bonne route, restez patient en provenance de l'Est, et attention, encore beaucoup d'endroits mouillés sur l'île. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie, chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. Eh bon début de matinée, 7h42 dans toute la Réunion. On a encore des places de cinéma à vous offrir avant 8h. Hein. Exactement, grâce à votre petit déjeuner. Encore quelques minutes, faut faire vite pour poster votre photo de petit-déj sur la page Facebook de Grand Matin à la clé des places de ciné. Ok, mais surtout, votre participation pour le grand tirage au sort de vendredi qui vous emmènera en sur l'eau, avec la personne de votre choix. Voilà. C'est le grand défi de Grand Matin. Le zapping aussi arrive avant 8h à 7h50. Le zapping et ses moments de fou rire pendant 1 minute 30. Ça, c'est pour vous. À condition de rester là. Bah oui. Et d'écouter avec nous Emmanuel Ivara. C'est le tout dernier single d'Emmanuel. Comme ça, si vous êtes un petit peu coincé dans les bouchons, ça va vous détendre. Ça fait du bien, des fois. Bah oui, moment doux. Ça s'appelle Moment doux, sur Première. Excellente journée avec nous, bienvenue. Dernier Emmanuel Ivara dans toute la Réunion avec Moment doux et sur elle sera Première. En concert notamment pendant cette braderie commerciale de Saint-Joseph, ce sera dimanche à partir de 16h. Donc Emmanuel et Émilie Ivara. Première. C'est l'heure de la question, pas si utile, mais quand même. Oui, juste avant, une petite information routière. Oui, une petite information routière. Il y a un poids lourd qui est en panne après le rond-point du CERF en direction de Prima. Du coup, ça coince dans le secteur, voilà, sur la RN 102. Soyez prudents, voilà. Courage, moi aussi. Bah oui, ah, parce qu'il y en a qui se réveillent depuis ce matin avec les bouchons et ça, c'est vraiment compliqué. Allez, à toi, j'aime. La question, pas si utile, mais quand même. Pourquoi touche-t-on du bois pour se porter chance? Je sais pas. C'est vrai qu'on dit souvent, toucher du bois, dans le schéma. Lorsqu'on y réfléchit, c'est un peu bizarre. Mais tu le fais toujours. C'est un peu bizarre. Alors, cette pratique nous vient des Grecs, qui, en bon observateur de la nature, avaient remarqué que la foudre frappait souvent les arbres. D'accord. Et en particulier les chênes, souvent plus grands. Et donc, forcément, ils étaient plus à même de jouer les paratonnerres, puisque à l'époque, les pylônes électriques, ça existait vraiment pas vraiment, quoi. Donc les Grecs pensaient que la foudre était la manifestation de leur dieu, Zeus, le patron de tous les dieux. Autant dire que ce n'est pas de la rigolade. Donc si Zeus aimait toucher les chênes, c'est qu'il devait bien les aimer. Le chêne était donc un arbre sacré, et le toucher donc revenait du même coup à flatter Zeus. Oh. Et à lui serrer la pince pour éviter qu'il se fâche. Non, on ne sait jamais. Un petit peu tiré par les cheveux quand même. Ça va très loin. Hein, ça va très loin. Alors la tradition s'est transmise aux Romains, puis aux Gaulois, pour qui le chêne était aussi un arbre sacré respecté. L'emblème des druides qui récoltaient son gui. On rappelle, hein, dans le Panoramix, dans Astérix, qui faisait diverses cérémonies sous ses branches. D'accord. Avec le christianisme, les missionnaires ont eu bien du mal à venir à bout de ces traditions venues du fond des âges. Alors ces petits malins l'ont tout simplement adapté. Au lieu de toucher du bois pour vénérer les divinités type Zeus, on le ferait désormais pour toucher le bois de la croix du Christ. Ah. Et voilà d'où vient toucher du bois pour vous porter chance. Ouais, ça va très très loin. D'accord. Mais comme quoi, c'est ancestral en fait, ce truc-là. Tu m'étonnes. Merci Jamy. Merci Fred. 7h48 dans toute la Réunion. Connect Première s'intéresse aujourd'hui au système d'exploitation. Il y a iOS... Ouais. Pour les iPhone notamment. Oui. Et puis il y a Android pour les Samsung. D'accord. Eh bien, Android est devenu plus fort qu'iOS. Et vrai. Pascal Rizzo vous explique tout ça dans un instant. Restez là. 16h, 18h, le bon tempo avec David. Ils font la Réunion. Ils ont rendez-vous dans le bon tempo sur Réunion Première. Acteurs du monde culturel. Les artistes de la Réunion à l'honneur. Sportifs, associations, jeunes entrepreneurs, réunionnais du monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer. Le rendez-vous détente de votre après-midi. Le bon tempo avec David, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Illois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec L'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. Alors Pascal Rizzo nous dit qu'Android est plus fiable que iOS. On va savoir pourquoi. Connect Première. Bonjour, vous êtes sur votre tablette ou votre smartphone et tout à coup, plus rien ne marche. Tout est bloqué ou bien l'appli sur laquelle vous étiez se ferme toute seule. Votre cas est alors signalé au cabinet de conseil Blanco avec 2 C qui gère les statistiques sur les plantages. Eh bien les voici ces statistiques et elles sont plutôt surprenantes puisqu'en effet pour la toute première fois, au cours du deuxième trimestre 2016, le système d'Apple iOS s'est montré moins fiable que le système Android de Google. 58% de plantages sur iOS contre 35% sur Android. Alors voyons ce qu'il en est et surtout ceux qui plantent. Chez Apple, les 2/3 des plantages sont dus à une application. 11% à des soucis de Wi-Fi et 4% à des problèmes liés à l'écoute au casque. Et quelles sont les applis qui plantent le plus? Eh bien forcément, celles qui sont parmi les plus répandues, Snapchat 17% des problèmes, Instagram 14%, Facebook 9%, et ensuite Facebook Messenger et Google pour terminer le top 5. Chez Google, justement, les choses sont différentes. Les plantages sur Android sont dus, là, à l'application de l'appareil photo à 10%, ou alors des problèmes pour recharger la batterie, 10% également, ainsi qu'à des problèmes liés à l'écran tactile pour 7%. Les applis qui plantent sont donc moins nombreuses sur Android. Il s'agit essentiellement d'ailleurs d'applications maison, autrement dit du Google Play à 12%, de la synchronisation des contacts à 5% et du carnet d'adresses qui plante aussi à 5%. À ce jour, Android est donc officiellement plus fiable qu'iOS, alors même que les deux supergéants s'apprêtent à sortir leur nouveau operating system. La version 10 pour Apple et la version 7, dite Nougat, pour Android. Il sera donc intéressant de refaire un point sur ces statistiques et savoir qui est le plus fiable des deux. Bah, pas avant 6 mois maintenant. Belle journée. À condition, bien sûr, d'acheter un smartphone, hein, ce qui coûte parfois relativement cher, surtout bon, les derniers. Quand il ne menace pas d'exploser. Parce que ça aussi, ça arrive. T'es beau, aujourd'hui, tu donnes que des bonnes nouvelles, dis donc. Fait pas beau, nanana, téléphone, il explose. Mais j'y peux rien, c'est le cas. Hein. Galaxy Note. Galaxy Note interdit dans les avions, chez certaines compagnies, à cause justement de ces risques d'explosion. Ah oui. Du portable. C'est vrai que c'est ballot hein, si ça explose dans l'avion. Ah oui, c'est bien, bien molle même. Hein, c'est bien molle. Mieux que ça explose à terre, quand même, ou que ça explose pas du tout. Du tout, c'est mieux, parce que ça peut blesser. Ouais, hein. Il y en a là, ils s'en souviennent. Hein. Quand les téléphones explosent, mais ils brûlent l'azote parfois au deuxième degré, aussi. Tu te rends compte ? Les yeux, c'est dangereux pour la projection. Oui. Emma de Saint-Denis est avec nous. Bonjour Emma. Elle est secrétaire, Emma. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour La Réunion. Ça va Emma ? Ça va, la pêche. Bah, c'est bien, bien, c'est important ça Emma. Emma qui a posté son petit déjeuner et je peux comprendre quelle est la pêche, parce que du coup, dans son petit déjeuner, il y a beaucoup de fruits. Hein. Ah, petite description Emma, pour tous ceux qui n'ont pas vu votre photo. Bah, en fait, j'ai beaucoup de fruits, beaucoup de, pour donner un petit peu de pêche, un peu de... La figue ? De lait d'avoine. Mmh. Ouais, je suis fan de figues et j'en ai trouvé là. C'est un peu rare, mais en ce moment, il y en a pas mal au marché et tout ça. Mmh. Donc, voilà, un petit déjeuner vitaminé avec des fruits, de la papaye, etc. pour c'est... boucher tout ça. C'est qui derrière l'homme là, qui voulait ramener sa fraise à l'instant, là, qui parlait avec sa grosse voix là ? C'est un collègue, voilà. Ah, c'est le collègue. Il s'appelle comment, le collègue ? Alors, le collègue s'appelle Eric. Salut Eric, on t'a entendu Eric, hein. T'inquiète, salut Eric. Dis pas les riens, d'être en lit en manche, Ah, j'ai rien dit du tout, hein. J'ai juste dit qu'il voulait parler. J'ai aucun problème moi là-dessus. Emma. En tout cas, merci beaucoup. Bah oui, c'est merci gagné pour vous. Eh oui, vous repartez avec deux invitations pour aller au cinéma, des places qui sont valables dans toutes les salles du réseau Moréfilm, Multiplex Ciné Corbet de Saint-Paul, la Case de Saint-Denis et Cinéma Plaza de Saint-Louis. Et en plus, eh bien, vous participerez d'office au grand tirage au sort de vendredi. Peut-être pour vous une croisière avec croisière et découverte. Ça. Oh là là, sur un catamaran, tout ça, ce serait chouette. Voilà, hein. Donc Emma, c'est pour vous, puis c'est pour tout le monde aussi, tous ceux qui ont envoyé les photos petit déjeuner. Voilà comment ça se passe. Emma, c'était une bonne journée avec Eric, votre collègue. Merci, c'est gentil. Bisous. Salut, à plus tard. C'est le moment de zapper. On prend la télécommande. Oui, vous allez l'entendre, des duels d'invités, des citations du matin. Beverly, notre animatrice du week-end, qui assure le spectacle. On l'adore. Et puis les nouveaux mots. Les nouveaux mots ne connaissent pas la crise. Tout à fait. Vous savez ce que c'est que la parité sociale globale ? Je vous écoute. Ben c'est vous, c'est votre parti. Vous n'êtes pas mon professeur, je ne suis pas ici votre élève. C'est qui le chef là-bas ? L'union fait la force et l'oignon fait la sauce. Ah oui ! Waouh, big up ! Par contre, on va encore chialer un peu plus. Oui, parce que entre 10h et midi, c'est Claude Montané. D'accord. D'accord. Jeanne de Sainte-Suzanne est avec nous. Jeanne, bonjour. Non, c'est Jeannot. Yeah, sur Réunion Première dans quelques instants. Vos avis d'essai. Ici le bureau des nouveaux mots, Marie-Hélène à votre service. Bonjour madame, je voudrais savoir si vous avez de la péton de la fournaise, s'il vous plaît. Alors, de la péton de la fournaise. Ça, c'était joli, ça, hein. Quitte pas mon gant. Avec en une la photo de la faille de lave qui dévale la pente du péton de la fournaise. Comment ? Est-ce que tu as besoin d'autre chose ? Oui, je voudrais savoir si à la fin de très bien, il y a un R. Ben oui, mon grand, parce que tu peux dire très bien re. Et ça vaut le coup, parce que là, on voit très bien re. Contre Saint-Louis. C'est dans l'actu, juste après le journal de midi, sera consacré à... Ce midi, à un projet, Claude... Je te donne un pied de bois, il boit pour mal au ventre. Ben. C'est dur, c'est hein, compliqué. Quand tu cherches hein, quand une on a pas le mot, là, pas, là. Elle n'est pas sur la feuille, mais quelle feuille pas. Et Claude, quelle t'aide feuille pas. Oui, c'est ça. Claude te laisse dans la mouise. Ben oui, mais s'il ne ben connaît pas ça. Non plus aussi. Mais ben en plus. Oh, y a, je te et jure. Et Jackie est là pour tout repérer. Salut Jackie. Bonjour. Ça va, Jackie? Ça va bien, merci. Est-ce qu'on prends mange sa petite le voix, mais en fait, c'est un vicieux. Hein. Mais non, mais non. Mais non, pas du tout. Est-ce qu'on mange le poireau alors? Ben bah, on pas essaye. Enfin, on ouais, aimerait bien, pas, mais on peut, on gagne point. Alors, c'est quoi cette histoire de poireau? C'est quoi ce truc de poireau? Ouais. Là, on en voit partout du poireau en fait. Ouais. Hein. On en voit partout sur les marchés, au supermarché, dans le bateau, dans le chalet, on en voit partout. Sur la plage. Mais comment cuisiner le poireau? Il y aura Marie-France Gringalet. Tu connais bien? Oui. Super, hein, chef de cuisine. Voilà. Elle est chef de cuisine à domicile. Elle viendra avec nous entre 8h et 9h pour en parler du poireau. Ah bah voilà, pour tous ceux qui ne savent pas comment on fait. Et puis il y aura le panier aussi à gagner. Le panier, le mot de passe ce matin, c'est... Jacques Daumiel. Jacques Daumiel. Ah. Le fameux Jacques Daumiel. Jacques Daumiel. Oh, c'est ça. À demain. À demain, La Réunion. Bisous. Salut. Milo, you don't know. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Though not ideal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know, you don't know anything about me. An ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. Tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know, you don't know, you don't know anything about me. What do I know your name? You don't know. Gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like a jigsaw puzzle and gaze. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere. Baby, c'est l'heure de rejoindre Yves Gruyère, là. Ah, allez, chut, reste tranquille. Voilà. Yves, vous êtes à la gare de Saint-Joseph. Hein. Oui, il se passe pas mal de choses là en ce moment. Donc, on va commencer par le poids lourd. Vous allez sans doute signaler ce poids lourd qui est en panne RN102 juste après le rond-point du Cerf pour aller vers Prima. Ça vient de se terminer, donc là, on n'en parle plus. Par contre, un autre poids lourd est en panne. Ça se passe au niveau des chargeurs de Plateau-Caillou sur la voilante descendant vers Belben. Sachant que le bouchon, il est juste avant la tranchée, donc il est un petit peu plus bas que ce poids lourd. Attention, restez prudents. On aurait un accident, mais c'est pas confirmé. 22e kilomètre, ça se passe à proximité du rond-point de Piton-Hyacinthe, c'est en dessous de la plaine des Cafres, donc sur la hauteur du tampon, mais on attend la confirmation de cet accident. On n'en a pas la nature pour le moment. Attention, si vous descendez donc en contrebas du tampon, ça ralentit presque à hauteur des 400 pour rejoindre la sortie des casernes. Donc ça, c'était dû à ce mauvais temps de ce matin, même si la chaussée est en train de sécher, parce qu'il s'est arrêté de pleuvoir ici sur la région sud. Et puis en plus, il y a du vent. Alors c'est toujours très couvert dans les hauts. Circulation bien ralentie en provenance de Langevin pour passer le giratoire, justement, ici à hauteur de la gare routière. Il faut dire qu'il y a la 7 braderie qui a commencé vendredi, qui se terminera dimanche prochain. Une des rares, peut-être la seule braderie sur route nationale de France. En ce qui concerne le trafic, donc toujours du monde pour rejoindre Saint-Pierre, ça ralentit dans l'ouest à l'entrée de Saint-Denis, donc sur la route du littoral à hauteur du virage de Ravine à Malheur. Et on aurait des cailloux, des graviers qui seraient tombés d'un camion, c'est à hauteur de la gare routière, entre la gare routière et l'entrée du bar à Choix. Attention, prudent sur la fin du Lancastel, semble-t-il, puisque ce sera en direction de l'ouest, à confirmer également. Voilà, très bonne route, il y a beaucoup de choses. Yves Gruyère pour l'information routière, il est 8h. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Marie-Judy Olivier, de nouveau devant les assises. L'an dernier, la jeune femme a été condamnée à 14 ans de réclusion pour le meurtre de son concubin. Elle est rejugée en appel à partir de ce matin.